à Mélissa, à Lia Skibiak, ma meilleure amie, et à Bastien Mickaël, un de mes potes. Eh ben, gros bisous, Lexi. Salut à toi. Merci salut. Beaucoup. On a salut. Paul Lou. Paul Lou qui est avec nous. Bonsoir, Paul Lou. Salut, Paul salut Lou. Salut, salut, Carré. Salut, toute l'équipe. Mmh. Et donc, Paul Lou, t'as la voix d'un 12 ans, toi. Ouais. T'es un 12 ans? Ouais, j'ai 12 ans. Eh ben, bienvenue dans la Vinfun. Paul Lou, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce qu'en fait, mes dents de vin, elles sont complètement écartées. Je veux savoir comment je pourrais changer ça. Les dents de la chance. Oui, ben non, mais il y a bonheur. Raison. C'est un vrai problème. Ah oui, pardon. T'as pas eu de consultation. Ah oui, c'est ça. T'as pas eu de consultation chez un orthodontiste? Non. Alors, il faut voir le dentiste qui le regarde effectivement cette arcade dentaire. Et quelquefois, il y a besoin d'une correction, sérieusement. Donc, je pense que tu es dans ce cas-là. Il faut consulter un dentiste et probablement un orthodontiste et ça va se réparer. Ça se répare très bien. Après, il y en a qui aiment bien avoir les dents de devant écartées. Non. Il y en a plein qui ont ça. Vanessa Paradis, elle a ça. Marion, elle a ça aussi, je crois. Rappelle... Notre producteur Podgel aussi. Ah bah, notre producteur Podgel. Je suis d'accord. Il y a un petit côté Elton John d'ailleurs avec ça. C'est ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle l'indice de mastication, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir une excellente mastication. Et pour cela, il faut que les dents soient bien alignées, parce que la mastication étant la première étape de l'étape digestive, est absolument essentielle à l'organisme. Ne pas mastiquer correctement va générer des troubles digestifs. Donc c'est très important d'avoir des bonnes dents. Donc tu vas voir un dentiste, un orthodontiste, d'accord? Tu vas voir, c'est passionnant d'avoir un appareil dentaire. Carrel, tu vas pouvoir échanger ta nourriture avec les filles. Faire des réserves pour le soir. Et faire de l'électricité avec, tu sais, du métal. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais fait ça, on avait branché des pinces et on avait le courant. Et toi, Kassim, t'as fait ça toi aussi? Ouais, en fait, moi, je suis sorti avec une meuf qui avait les dents du bonheur. Et vu que j'ai un micro-pénis, elle m'a dit, c'est cool, je pourrais tucer en serrant les dents. Oh, mais non, mais donc le mec est en train, pour faire une vanne, de balancer qu'il a un micro-pénis. Voilà, quand même, est-ce que vous voulez voir? Non, on ne verra pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Paul Lou. Oui. Paul Lou, est-ce qu'on t'a aidé? Oui, un peu. Bah, j'espère. Non, parce qu'on va pas résoudre ton problème, mais voilà ce que tu dois faire. C'est important, fais-le. Tu dois dire ça à tes parents, n'est-ce okay pas? Ok. D'accord. Bon, et surtout, voilà, si ça te complexe un petit peu, tu vas vite te l'enlever ce complexe et t'inquiète pas. Enfin, en tout cas, t'es pas le seul. Hein. Mais il y a aussi un aspect fonctionnel, c'est très important de dire. C'est pas uniquement esthétique. Mmh. Ouais, Paul. Est-ce que je pourrais avoir un pack sans préservatif? Ok, le pack sans capote. On met un pack sans capote au standard pour Paul Lou. Allez hop, c'est parti. La commande est partie, c'est bon. Ryan a pris son baluchon et est parti chez toi à Fresnes. On s'en occupe. D'accord, Paul Lou? D'accord. Salut, tu reviens quand tu veux. Salut, Paul Lou. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir Paul Lou. Et c'est déjà fini là pour ce soir. Alors que Didier Deschamps se fait interviewer là. Toujours 0-0. Hein, France-Suisse. Ouais, ouais, carrément. Moi j'adore Didier. Et on va se retrouver dès demain sur Fun Radio. À partir de 20h, on sera là bien sûr en direct. Et comme chaque soir, on compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain. On va laisser la place au Night Show. Voici Marion et Anso sur Fun Radio. Je te propose d'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Les paroles de cette chanson ne sont pas délire, mais ce soir je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux, c'est Marion et Anso sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Anso dès 22h dans le Night Show. Marion et Anso, The Night Show, sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. On est ensemble là, comme chaque soir sur Fun Radio jusqu'à minuit et on est content d'être là. Ah de ouf, tu m'as manqué ce week-end. Bonsoir Marion. Bonsoir Anso, ça va? Bah oui, très bien, et toi? Anso, elle est en tanasse pour un truc parce que vous le savez peut-être pas d'ailleurs, on en a pas beaucoup parlé, mais on part avec toute l'antenne à Ibiza la semaine prochaine. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, on va faire plein de trucs là-bas, ça va être cool, sauf que... Et bah, Yawasha. Bah oui, Yawasha. Hey. Sauf que du coup, comme tous mes potes font partie de Fun Radio, ouais, bah, y a personne pour aller me la garder. Pour aller juste vérifier si elle a de l'eau, des croquettes, pour s'engraisser, quoi. Hein, puisqu'elle est obèse déjà. Pour lui donner 2-3 caresses aussi, parce qu'elle a besoin d'attention. Voilà, pour lui donner du beurre. Alors, nous, ce qu'on vous propose, bah, si jamais il y a quelqu'un qui est dispo et qui habite pas loin du 15e, tout ça, hein, pas loin de chez Anso, voilà, posez votre candidature, envoyez-nous un mail marionetanso@funradio.fr, comme ça, éventuellement, gardiennage de chat, ce serait sympathique. Exactement, j'ai cru que t'étais à deux dois donner mon adresse. Je dirais jamais que t'habites rue. Bref. Ah, voilà. C'est bien parce que j'ai oublié le nom de la rue. Hein. Ah, sacré François. Bon, ce soir. Oh, t'es con. Il n'y a pas Copé qui veut devenir président. Arrête, mec. Mais ça se fait pas. T'es en malade. Ça va, elle habite à Versailles. Ouais, c'est ça, mais. Qui va toujours trop loin, quoi. Bon, allez. Bon, grosse émission ce soir, puisqu'on est transparent et que vous le savez, la preuve encore avec Amir, on vous dit tout. On va pas se mentir, on a enregistré une partie de l'émission parce qu'en fait, on avait vraiment très envie de recevoir Elsa Makeup, la youtubeuse qu'on adore. Ouais. Mais Elsa n'habite pas Paris, donc c'est pas facile. On s'est adapté à son emploi du temps. Du coup, voilà, ne soyez pas étonnés. Petite partie enregistrée, c'est comme ça, mais c'est hyper sympa. Et ce que vous allez entendre, vous allez l'aimer. Ah, mais évidemment. Donc ne soyez pas surpris si d'un coup on n'est pas foufou parce qu'il y a un but. Non, mais. Ah et ouais. Puis même pour ceux qui la connaissent pas, c'est peut-être des parents qui nous écoutent, des routiers, des taxis, etc., qui connaissent pas spécialement des youtubeurs. Ouais. Ils vont découvrir son histoire, elle est hyper touchante. Ouais, c'est vrai. Parce que Elsa, elle cartonne sur YouTube, mais elle a un gros handicap. Et franchement, elle est touchante. Cette nana, c'est un truc de ouf. Allez mater, là, sa chaîne s'appelle Elsa Makeup. Elle fait de tout, du lifestyle, du make-up. Vraiment très touchante. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette fille. Et à part ça, ce soir, on aura le vérité ou vérité, l'équipe. Est-ce que vous vous rappelez de cette séquence? Bah oui, hein. On n'est pas teubé non plus. Même principe que le action ou vérité, sauf que là c'est que des questions. Mais cette fois-ci, petite particularité, ce sera que sur notre vie sexuelle. C'est-à-dire que vous les auditeurs, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez. On devra répondre quoi qu'il arrive, mais sur notre vie sexuelle. Voilà. Bon, bah, de toute façon, moi, vous avez juste à écouter l'émission. Moi, je balance tout sur ma vie sexuelle déjà. Donc, Ah, mais là, pas de tabou, hein, on y va. Ok, hein. Ok. Pas de problème. Et puis ce soir, on va écouter du son de ouf. Déjà, il y aura Tini Tampa. Cette petite voix, on la reconnaît, Zara Larsson. Et alors, Tini Tampa, sachez qu'il sera à la fête de la musique là à Marseille. Ce sera jeudi prochain pour le Fun Radio Live Plage Borély. Ouais. Oui. Et ce sera en direct sur Fun Radio aussi. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, la Plage Borély se déplace à vous. Et puis, on écoutera aussi le tout nouveau Axwell Ingrosso. Hashtag bombasse. Grave. Hashtag je suis folle de ces deux garçons. Et hashtag, souvenez-vous, je m'étais pris un gros vent à la Fun Radio Ibiza Experience. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De ces deux mecs. Un de plus, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. On est sur un festival. Mais heureusement pour toi, il y a d'autres artistes qui ont pris le relais et qui t'envoient des petits MP sur Twitter. Voilà, ça un marche. Un jour, on balancera le dossier, tu le sais, un jour. Ouais, allez, ça bonsoir, Amir. Ouais, les filles. Oui, et toi? Bah écoutez, ça va super. Et il a fait péter la veste aujourd'hui, lui, dis donc. Et... petite veste de costume, Amir, pas mal. Hein. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Dis-nous. Ce matin, j'étais grave à la bourre, donc du coup, j'ai pris un taxi. Ouais. Et quand il m'a vu arriver, il s'est dit, le mec travaille dans la mode. N'importe quoi. Mec. À quel moment, quoi. Non mais c'est un truc de fou. Mais t'as juste une veste sur un t-shirt, quoi. Non mais écoutez, moi je vous dis ce qu'il m'a dit le taxi, qui était très sympa d'ailleurs. Mm-hmm. Il m'a juste dit, quand je vous ai vu arriver, j'ai l'impression que monsieur dans la mode. Donc je lui ai dit, effectivement, je travaille dans le night show consulting. Et il a kiffé. Et du coup, ce soir, il nous écoute là. Ah bah on l'embrasse. Bonsoir monsieur le taxi. En tout cas, vous avez vraiment, vous êtes très très perspicace, hein, sur les métiers de vos clients. Allez, c'est reparti. Bon, en tout cas, Amir est sur les réseaux sociaux, donc allez-y, hashtag le night show Marion et Enzo partout, la chaîne YouTube Marion et Enzo et la chaîne YouTube Gaming Marion et Enzo Gaming, tout simplement. Ouais. Allez, on y va. Bonsoir Mano. Bonsoir. Il va bien? Bah oui, pressé d'être à Ibiza parce que je pensais être un peu bronzé avant de partir, au final pas du tout. Ouais, donc, bah c'est clair. En espérant prendre quelques couleurs là-bas, quoi. Bah c'est vrai que t'es blanc comme un cul, toi. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais on est une team de la team transparence avec Mano. Ça a son charme. Bonsoir Enzo. Salut les filles. Il va bien celui-là? Ouais, ça va super ce matin. Bah, pour me faire de l'argent, je fais un peu des courses de taxi. Ouais. Hyper chelou qui était venu dans mon taxi, il savait pas s'habiller, je sais pas comment. Il avait des sourcils énormes. D'accord. Si c'était. Ah, franchement, rien à dire. C'est la jalousie, ça. Jaja. Eh, en vrai, il est beau gosse comme ça. Ouais, franchement, il est frais, il est sapé comme Jaja. Bon, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît, Enzo. Alors, c'est Julien, il a 25 ans, il habite à Fontainebleau. Mm-hmm. Et lui, il bosse dans une boîte de nuit, il a vu un truc de fou. Bonsoir, Julien. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Salut. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, dur le week-end, quoi. Non, comme il dit, je bosse en boîte et il s'est passé un truc, c'est que j'ai vu la mère d'un pote qui n'était pas là, lui, mais sa mère était là et elle s'amusait à se frotter un peu à tout le monde. Ah, elle était toute seule en boîte, sans son fils? Voilà, et donc du coup, elle s'amusait, elle s'est un peu lâchée. Oh, t'imagines l'angoisse? Ah d'accord, mais elle a pas roulé de pelle tout ça, c'était genre elle dansait de manière un peu chaude. Ouais, voilà. Il y a des barres de pole dance comme dans toutes les boîtes et se lâcher un peu dessus en fait. Bon, elle a le droit de s'amuser après, ça me choque pas à partir du moment où il n'y a pas de roulage de pelle et tout. Bon, même si elle roule des pelles. Je l'ai pas vu, mais bon, on sait jamais. Alors. Attends, si elle est célibataire, elle a le droit de rouler des pelles si elle veut en boîte. Hein. Elle est célibataire? Non, je crois pas. Non. Et dans l'équipe, y a... vos parents vont en boîte Mais non, non, non, non. Bon, bah, moi non plus. Hein, parce que visiblement, nous avons des parents normaux. Ah, franchement, ils vont. Ou un peu trop âgés. Ouais, c'est ça, ils peuvent être en boîte. Effectivement. Mon père qui a 67 ans, je le vois pas effectivement en boîte. Non, c'est vrai. Je te confirme. Mais du coup, est-ce que tu vas le dire à ton pote ou pas? Je sais pas, je sais pas si je dois lui dire ou pas. Non, ça te regarde pas. Ouais. Bon, en tout cas, si tu le dis, filme-le. Hein, filme-le, nous on est toujours friands de ce genre de truc hein, dans Night Show. Mais moi, je te conseille de pas le faire. Reste en dehors de ces histoires, t'as rien vu. Ouais, bah pas de soucis. Ok, bon, je vais faire ça alors. Je vais vous écouter. On t'embrasse, Julien, et continue à bien te rincer l'œil. Ouais, merci. Bah, bonne soirée à vous, bon courage. Bisous à toi, Julien. Et vous restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est Elsa Makeup qui va débarquer. On vous en parlait il y a un instant. Ah. Si vous connaissez pas ce petit bout de femme, vous allez vraiment kiffer. Nous, on l'adore ici dans le Night Show. Et si vous voulez réagir à l'émission, et ben hashtag le Night Show. C'est aussi simple que ça. On se retrouve juste après. Déo, allez, allez, bye là sur Fun Radio et on danse. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Fun Radio, c'est Marion et Enzo et je vous invite à aller voir la dernière vidéo qu'on a postée sur la chaîne YouTube Marion et Enzo. C'est les garçons de l'équipe qui tentent de conserver leur job pour l'année prochaine. Il y a Enzo, Mano et Amir qui ont fait une lettre de motivation avec plus ou moins de réussite. C'est plutôt sympa, on a bien envie de savoir ce que vous en pensez là. Qui doit rester, qui doit partir? On attend tout sur le hashtag Le Night Show. Et puis allez-y là, 01 42 48 5000. On se rejoint dans un instant sur Fun Radio. Hashtag Le Night Show aussi pour réagir à l'émission. On reçoit Elsa Makeup dans un instant. Ça va être sympa, bougez pas. Oh. Bouygues Télécom crée l'événement sur Fun Radio. À l'occasion des 20 ans de Bouygues Télécom, écoutez Fun Radio demain et tentez de gagner votre Golden SIM avec appel, SMS, MMS et 4G en illimité pendant 2 ans. C'est gagné! Grâce à la qualité du réseau 4G de Bouygues Télécom, surfez et profitez à fond de toutes vos applis. Ah, merci beaucoup. Les 20 ans de Bouygues Télécom, c'est demain que ça se fête sur Fun Radio. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Bim! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Fun Radio, le son Dance Floor Summer 2016 avec Dioro, Imani, Alan Walker, Zara Larsson, Kungs, David Guetta, Mike Posner, Sia, Mauve. Les meilleurs sons de l'été sont dans le son Dance Floor Summer 2016. Sur Fun Radio, départ pour Ibiza. J-4. Ce soir, Elsa Makeup est l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Et oui, ça y est, elle est là. Elsa Makeup dans le Night Show, les gars. Ouais. Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa. T'as vu cet accueil ou pas? Ah ouais, c'est bien, il y a un bon accueil là. Si c'était partout pareil, ce serait top. Eh ben franchement, bienvenue à toi parce que ça fait un moment qu'on avait envie de te recevoir. On est hyper contente. Moi, je te suis depuis au moins un an ou deux. Ah oui, quand même. Ouais, je t'adore. Oh, et là, tu viens nous voir pour ton bouquin qu'on a lu avec Anso. Ouais. Ça s'appelle Elsa Makeup, mes secrets. Exactement. Alors, il est plutôt gros. Oui. Mais il se lit tellement facilement. C'est vrai. Franchement, bien joué. Raconte-nous un peu l'histoire de ce livre. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça t'a pris? Comment ça t'est venu l'idée? Enfin, tout quoi. Alors, ce livre, donc, ça fait un an que je suis dessus. Ouais. Donc, on m'a soumis l'idée l'année dernière, en début d'année. Et moi, c'était toujours un truc qui m'est resté dans la tête, en fait. Depuis des années de ça, j'ai toujours aimé lire, écrire. Ça a toujours été un petit peu thérapeutique, etc. C'est un truc qui m'a toujours plu. Et du coup, quand on m'a proposé l'idée, j'ai pas hésité une seule seconde. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais, ce que je voulais écrire et ce que je ne voulais pas écrire, en fait. Donc, en gros, je savais vraiment ce que je voulais. Et du coup, on s'est de suite entendu avec les équipes. Et quand on a proposé les différentes idées, j'ai su que je voulais inclure différentes parties, à la fois beauté, mais pas que. Ouais. C'est pas tout ce qui me résume. Et c'est pour ça que ce livre est un concentré de beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est moi, de A à Z, quoi. Bah oui, parce que, alors, pour ceux qui te connaissent pas forcément, toi, t'es donc youtubeuse beauté depuis 5-6 ans, à peu près, c'est ça? Ouais, j'ai commencé en 2010, donc voilà. Ça commence à faire. T'as une chaîne qui cartonne, ça s'appelle Elsa Makeup, hein, 681 000 abonnés, quand même, dis donc. Ouais, ça commence à faire pas mal, ouais. Et à côté de ça, du coup, tu as fait ce bouquin, t'as une chaîne de vlog aussi, je crois. Ouais, exactement. Une chaîne de vlog qui s'appelle Elsa Life and Vlogs. Ouais. Voilà. Donc que j'ai en parallèle, qui est un peu moins active, parce que forcément ça prend beaucoup de temps, mais je l'ai toujours et je l'aime toujours. Ok, voilà. Bon, écoute, on a plein de questions pour toi. Les auditeurs et les auditrices surtout ont été nombreuses à nous appeler pour te parler. Est-ce que tu es prête à répondre à tout? C'est bon, je suis prête. Cool. Je vous emmène en Lorraine, les gars, le pays de la quiche. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir Mario Anto, bonsoir à l'équipe. Ça va, Bichette? Bonsoir à Elsa. Salut, Lorraine. Oui, ça va. T'as l'air stressée? Ouais. Bah, un peu. Mais bah, détends-toi. Hein. Tout va bien entre nous. Personne ne t'écoute, Léa. Vas-y, pose ta question. Bah, je voulais savoir, c'était qui la plus belle rencontre d'Elsa sur YouTube? Ouais. Bonne question. Et aussi, si les autres youtubeurs t'ont soutenu quand tu as fait ton livre? Alors, très bonne question. Je sais pas dans quel ordre commencer. Ma plus belle rencontre, il y en a beaucoup. C'est dur d'en choisir qu'une seule, mais je dirais que au niveau de la tranche d'âge, Sandrea, on est quasiment du même âge, on a vachement de points en commun, même si elle est pas du tout sur le même fuseau horaire. C'est ça, elle habite où? Aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Donc, mais ça nous empêche pas de rester en contact tous les jours quasiment. Ouais. Donc, mais voilà, ce qui nous rapproche vachement, c'est notre âge en fait. D'accord. Parce qu'après, les autres, c'est vrai, sont un petit peu plus jeunes. Mais j'ai lié des amitiés avec pas mal d'autres youtubeuses, mais c'est difficile d'en choisir une. Okay. Mais j'irai ma petite Sandrea. Ok, et donc est-ce qu'elles t'ont soutenue, tes copines youtubeuses, pour le livre? Carrément. Comment ça s'est passé? Ça, c'est. Déjà, je leur ai dit, j'ai un petit cercle, on va dire, des copines de YouTube. Et quand je leur ai dit, elles étaient toutes hyper à fond sur l'idée. J'ai été soutenue de A à Z. Elles l'ont vu avant tout le monde. Ouais, est-ce qu'elles t'ont jalousé un peu? Genre, en mode, ouais, nous aussi, on aimerait bien sortir notre livre. Non, du tout. Puis bon, faut se dire la vérité, tout le monde sort son livre. Ouais, c'est pas la première. Voilà, j'y vais la première, je suis pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc en ce moment, c'est le phénomène sur YouTube. Mais j'ai été hyper soutenue. Mais il n'y a pas un peu de compétition, genre celle qui va vendre le plus? Vraiment, c'est que de l'entraide dans ce milieu? Je dirais que c'est un milieu de filles. Hein. Ouais. Voilà, faut pas se mentir. Ouais, donc comme mais après, non, moi, je prends pas part à tout ça. Je suis quand même assez éloignée de tout ça. J'ai, J'ai mon petit groupe que j'aime beaucoup, mais après c'est un milieu de filles. Et est-ce qu'il y a de la jalousie, compète, ouais. Tout ça, peut-être. Moi, je la ressens pas vis-à-vis de moi. Ok. Mais bon. Eh ben, tant mieux. Rien à voir. C'est le principal. Ouais. Voilà, Léa. Je crois que cette réponse est complète. Merci. On t'embrasse. Gros bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Elsa, on va se faire un petit délire ensemble parce que nous, on a repéré plein de trucs un peu what the fuck sur YouTube. Ouais. Il y a des gens sérieux, il y a des journalistes, il y a des musiciens, il y a plein de YouTubeurs, etc. Mais il y a aussi des trucs improbables. Du coup, je vais te proposer des vidéos. Tu vas me dire si selon toi, elles existent ou pas. Ok. D'accord, ça marche. Est-ce qu'on a entendu un Américain chanter Vive le vent en rotant sur YouTube? Non. Eh bah si, écoute. Attention, mais ça me met mal à l'aise. J'adore. J'adore. Mais c'est ça, YouTube, c'est la liberté d'expression. Ah oui, non, c'est ça, c'est YouTube. Il a dû finir malade. Hein. Est-ce qu'on a entendu une Française rigoler d'une façon improbable et en plus faire la truie? C'est possible, ça. Ouais, ça s'invente pas, ça. Ah oui. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ah, mais c'était pas Nana. Je me souviens. Elle était dans le public de Fogiel dans une émission de télé, je crois, non? Ouais, c'est possible. Ouais, mais son rire de truie, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. J'aimerais pas rire comme ça. Ouais, moi non plus, je crois pas. Bien. Est-ce qu'on a entendu François Hollande éternuer et lâcher un putain? Ah, ça doit pas être mauvais. Ouais, non. Ce serait drôle. Non, ouais, t'imagines déjà s'il avait sa chaîne YouTube, lui. C'est vrai. On n'a pas entendu. Est-ce qu'on a entendu une ado s'énerver sur YouTube parce qu'elle n'arrivait pas à chanter du Whitney Houston? Oh, ça doit être possible, ça. Ouais, écoute. J'ai envie de la baffer. Moi aussi, elle est insupportable. Et elle n'y arrive pas, hein. Elle n'y arrive pas. Non, mais elle essaye. Hein. Ouais. Tu sais chanter, toi, ou pas? Pas du tout. Donc, ouais. C'est pour ça que j'essaie de pas trop me moquer. Voilà, c'est pas ton truc. Pas loin de ça, en fait. Est-ce qu'un jeune homme a imité le bruit d'un moustique avec ses fesses pendant 20 secondes? Oh non. Eh ben si, écoute. Attends. Mais juste, ça fait combien de vues, ça? Ça fait beaucoup de vues. En plus, c'est ça le pire dans l'histoire. Bah, les trucs cons, les gens adorent. C'est long, là, quand même. Hein. Ouais, c'est long. Ouais. C'est une angoisse, quoi. C'est là que tu te rends compte que 20 secondes, c'est long. Ouais, problème, hein. Est-ce qu'on a entendu Laurie faire une chanson écoutée par plus de 7 personnes? Oh là là. Non, évidemment, non. Pardon. Est-ce qu'on a entendu un chat chanter Nabi Damila? Ah, ça, je vais écouter. Eh oui, peut-être. Écoute. C'est le bruit d'un chat, un vrai. Ah oui, mais je pensais qu'il chantait vraiment sur le Lern. Je suis dingue. Bah non, il était en studio sûr. Et tout. Hein. Je sais pas moi. Alors, juste parce que Anso pense qu'elle a le plus beau chat du monde. Et moi, je lui ai toujours dit que la tienne, elle était vachement plus belle. Et ça l'énerve à chaque fois que je lui dis ça. Non, mais la sienne, elle a des yeux bleus et tout, toi, elle est dégueulasse. Non, mais je sais que la sienne est magnifique, mais moi, la mienne, elle est banale. Elle est déjà, elle est obèse. Voilà, pas voilà. La mienne. Ouais, mais elle parle, la mienne. Ah, ouais, mais voilà. Elle me répond à chaque fois que je parle. Bon, bah, moi, Wacha, c'est vraiment de la merde. Comment ça, elle te parle? Elle miaule, quoi. Ouais, enfin, bon, après, je lui parle, donc je suis peut-être débile. Ah oui, mais moi aussi, elle fait elle ça, la mienne. Ouais, miam miaou, je lui dis ça va. Et oui, miam miam miam. Oh, les filles, vous m'angoissez avec votre chat là. Oui, quoi. Elle veut nous faire croire. Oui, oui, c'est moi, oui. Et enfin, est-ce qu'on a vu une interview de Chewbacca se plaignant qu'Amir lui avait volé ses enfants pour s'en faire des sourcils? Non, alors, il faut qu'on t'explique, Elsa, parce que tu es youtubeuse beauté. Ouais. Et on a Amir dans l'équipe qui s'occupe des réseaux sociaux. Ouais. Qui a des sourcils quand même extrêmement imposants. On n'arrête pas de lui dire, mais il comprend pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûr que tu vas être de mon côté et tu vas dire que non, ça va. C'est, ça et va. Qu'est-ce qu'on fait surtout? C'est pas tendance. Quand tu commences à épiler. Bah, il épile, c'est ça le pire. Non, mais je l'épile pas, c'est juste au milieu. Et dessus, arrête de mytho. Je suis toujours très mal à l'aise. Non, mais est-ce que c'est tendance, est-ce que ça passe ou est-ce qu'il faut enlever un peu plus? Il y a des filles qui ont des gros sourcils. Hein. Ouais, c'est la mode des gros sourcils, c'est vrai en plus. Ouais, oui, mais pas chez les mecs, on est d'accord. Après, chez les mecs. Ouais, c'est la mode. Hey. Au milieu, ouais, moi je trouve qu'il faut enlever. Après. Elsa, on va faire une vidéo ensemble. La vidéo de 6 heures, quoi. T'en enlever tous ces sourcils. Je suis pas sûre qu'on atteigne le million sur cette vidéo. Hein. Bon, restez avec nous. Elsa, tu restes là, puisqu'il y a encore plein de questions pour toi. Et si vous voulez en poser, vous nous appelez dès maintenant, là. 01 42 48 5000. Ça marche aussi avec le hashtag Le Night Show. On se retrouve juste après Major Lazer sur Fun Radio. I met her at Playhouse. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in Stanta forever. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show, avec une invitée spéciale qu'on aime beaucoup ce soir, c'est Elsa Makeup. Bienvenue à toi, franchement c'est un kiff. Les gens n'arrêtent pas d'appeler pour parler à Elsa Makeup. Ouais. Et que je te Elsa et tout, et nous là-dedans Marion. Hein, c'est vrai. Mais on compte pas, on n'existe pas. Ah, je viens pas tous les jours. Il y a beaucoup de filles pour toi, est-ce que t'es suivie par des garçons aussi ou... Oui, il y en a quelques-uns. Et ah ouais, il commence même à y en avoir de plus en plus, j'ai l'impression. Ils sont une minorité, mais ils sont là, donc faut pas les oublier. Alors attends, parce que sur ta chaîne, toi, et dans ton bouquin, tu parles quand même beaucoup de mode, de beauté, de tutos. Qu'est-ce qui les intéresse globalement ? Est-ce que c'est pas mal de mecs qui se maquillent, je pense, qui sont intéressés par ça. Ah ouais ? Ouais, la plupart, ouais, sont comme ça. Après, il y en a qui veulent chercher des idées pour leurs copines, des idées de cadeaux. Ouais. C'est mignon. Ah et puis, oui, c'est chou ça. Ouais, c'est chou. Tu fais aussi des challenges, des trucs aussi un petit peu avec. J'avais vu entre ta maman et ton frère. Ouais, quelques-uns, ouais. Tu as fait des vidéos, tu as raconté ton histoire aussi, ça a cartonné. C'est clair. Parce que Elsa, si vous la connaissez pas, elle a quand même une histoire hyper touchante. Tu as eu beaucoup de soucis de santé dans ta vie. Ouais. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui t'a donné ta force de cartonner comme ça sur YouTube, mais franchement, chapeau quoi. Sur YouTube, je sais pas, mais j'ai déjà un bon caractère de base. Ouais. Un fort caractère, donc je me laisse pas faire comme ça. Mais d'ailleurs, t'en parles très bien dans ton livre. Hein. Ouais. Toute la première partie sur ton histoire, moi je trouve ça très touchant. Ouais, parce que tu te dévoiles à fond, quoi. Tu caches rien. Non. Donc ça, c'est cool. Vous le lirez. On va pas tout vous expliquer, mais c'est vrai que dans le bouquin, il y a un tiers sur ton histoire. C'est ça. Et puis, tout le reste, c'est des tutos beauté, voilà. Des conseils, tout ça, quoi. Tout ce qu'on peut suivre sur YouTube, c'est une extension de ma chaîne YouTube, en fait. D'accord. Bon, alors on a Sophie de Nancy. Est-ce que tu veux répondre à la question de Sophie ? Ça m'arrange si tu dis oui. Oui, oui. Allons-y. Bonsoir Sophie. Salut Marion. Salut Anso. Salut tout le monde. Et salut Elsa. Salut Sophie. Alors, moi, ma question, c'était, comme elle a déjà une chaîne principale qui cartonne, une chaîne de vlog aussi, elle a sorti un livre, je voulais savoir si elle avait d'autres gros projets prochains à annoncer. C'est la question qu'on me pose le plus. Ouais, c'est clair. Dès que tu sors un projet, on veut savoir c'est quoi le next, quoi. En fait, je suis déjà pas mal occupée avec tout ce que j'ai envie de dire. Non, le livre, déjà, c'est mon bébé, donc là, je m'y consacre à fond. À côté de ça, j'ai ma ligne de maquillage qui m'occupe beaucoup. Il y a pas mal de nouveaux produits qui vont sortir cette année, en fin d'année. et l'année prochaine. Mais après, après je peux pas parler de choses concrètes. Il y a des petites idées comme ça, mais je vis au jour le jour en fait. Je fais pas de plan sur la comète. Moi, c'est au jour le jour. Je prends ce qui vient et puis on verra bien. Mais il y a rien de concret pour moi. D'accord. Voilà Sophie, donc il suffit de suivre Elsa et tu suis son actualité, comme ça tu sauras en toi et en leur petite femme. Je vais continuer à la suivre encore longtemps. C'est super, merci beaucoup. On t'embrasse Sophie. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr. Grosse dédicace à Laura, voilà. Et bien bisous à toutes les Laura de France. Bisous Sophie. Merci, gros bisous, je vous aime fort. Ciao. Il y a Emma aussi à New York, bonsoir Emma. Bonjour, bonjour Marion, bonjour Sophie, bonjour Anne. Oh. Sophie donc, hein. Bon, il n'y a pas de problème, on enlève bonjour un prénom. Marion, bonjour Anne, bonjour l'équipe et bonjour Elsa. C'est pas grave chérie, vas-y pose ta question. Moi j'avais une question, donc c'était selon toi dans l'équipe du Night Show, donc qui aurait le plus besoin de conseils beauté, maquillage, tout ça? Mais c'est horrible cette question Emma. Elle est horrible. Ah ouais, mais ça dit, on n'est pas susceptible, tu peux y aller, regarde un peu tout le monde. Il y a Enzo qui fait le standard là, il y a Amir des réseaux sociaux, Mano à l'area, il y a Cindy qui est au standard aussi. Tu crois que je te vois? Il y a Anso et il y a moi. Qui aurait le plus besoin, je sais pas moi, d'une retouche teint, d'un peu de make-up quoi. Mano. Non, pas Mano. Ah si, Mano, ouais. Sale gueule Mano aujourd'hui. Hein. Ah non, je vais balancer personne, moi c'est horrible cette question. Ah, c'est dur. Mais non, mais en plus, non, mais vous êtes tous très bien. Non, moi j'ai un peu les cheveux secs en ce moment. Ça, c'est les soucis. C'est les soucis avec Wacha, elle est obèse. Moi, c'est mes cernes. J'ai un peu... Si, on a tous des petits problèmes. Bon, bah, Amir, c'est ses sourcils. Hein. Non, c'est pas un problème, je suis comme ça. Enzo, c'est ses cheveux gras. Hein, toujours, on est là. Hein. Et puis, bah, Cindy, elle est parfaite. Ouais, Cindy, elle a une peau de pêche, j'avoue, elle nous énerve. Elle a un teint parfait. T'as vu? Ouais, j'avoue. Connasse que tu es. Bon, bah voilà, Emma, en fait, on s'est tous auto-balancés et on va tous s'entretuer. Ça va être hyper sympa. C'est ça. On t'embrasse, Emma. Bisous. Bisous à toi, ma belle. Il y a Alex aussi de Paris. Bonsoir, Alex. Salut, salut Marion, salut Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ne t'inquiète pas, tout va bien, Lisa. Ouais, je vois ça. Vas-y, mon pote, pose ta question. Alors, en fait, moi, j'avais une question pour Elsa. C'était savoir quel était son réseau social préféré, si c'était Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat. Alors, direct, je te réponds Instagram. Ah ouais? C'est limite, je vais pas dire une drogue parce que je vais pas exagérer, mais c'est mon premier truc le matin, le soir avant de me coucher, l'après-midi accessoirement. Ouais non, Instagram définitivement. J'adore. Ah ouais, plus que Snap. Ouais carrément, carrément. Snap, je me suis mis il y a pas très longtemps, donc c'est assez récent, hein. Mais Instagram définitivement. Alors pour ceux qui veulent te suivre, c'est Elsa Makeup partout, on est d'accord. Hein. Simplement. T'as fait simple, sauf pour Snap, c'est Elsa Snapchat. Makeup off. Voilà, c'était pris Elsa Makeup. Ah oh, ils sont chiants, faire ça, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, c'est relou ça. C'est relou, ouais. Sur Snap, ouais. Mais voilà, Instagram pour te répondre. Voilà, Alex. Donc tu suis Elsa sur Insta, toi? Bah, je la suis partout, ouais. Bon, ah, c'est cool. Même donc, dans la rue, t'es le gars qui est sur. Elsa, du coup. On t'embrasse, Alex. Salut, tu peux aussi te passer une dédie? Bien sûr. Alors, je passe une dédie au sourcil d'Amir. Bah, génial. Merci, toi, bisous. Bisous, Alex. Salut, bisous. Bon, bisous. Elsa, j'ai vu que tu faisais beaucoup de vidéos sur les astuces du quotidien. T'en parles d'ailleurs très bien dans ton livre. Oui. Donc, du coup, nous, dans l'équipe, on a trouvé des astuces beauté de grand-mère et j'aimerais bien qu'on les teste tous ensemble. Donc, évidemment, ne t'inquiète pas parce que toi, t'es tellement calée en beauté qu'on va pas les tester sur toi. Attends. Mais on va se donner un plaisir de les tester sur l'équipe du Night Show. Par contre, ce sont de vraies astuces. Il paraît que ça marche. Donc, peut-être qu'on va avoir de bonnes surprises. Je sais pas. Ah. On commence par qui? On va commencer par Enzo, gentiment. Ouais. Si ça te va. Alors Enzo, c'est ses cheveux gras. Enzo, il y a un gros problème, c'est ses cheveux. On en parlait tout à l'heure, il a les cheveux gras. Donc on a trouvé sur internet, tu vas me dire d'ailleurs si t'es d'accord avec ça. Ouais. Le mélange du citron dans un yaourt nature à étaler sur les cheveux. Là, j'ai jamais entendu avec le yaourt nature, non, jamais entendu. Il paraît que c'est très efficace et moi je l'ai déjà vu plusieurs fois dans plusieurs sites imaginaires de mon imagination. Moi je pense que c'est efficace à condition de se laver les cheveux après, ce qu'on ne peut pas faire là dans l'immédiat. Exactement, c'est ça. Galère. On va essayer quand même, Bichon, ça va très bien se passer. Mais en plus, c'est Amir. Non, partout, c'est Amir qui le fait, tu peux avoir confiance comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas de souci. Juste pour vous dire, Enzo est un peu comme s'il était chez le coiffeur et il s'est mis un jogging autour du cou. Allez, on y va. Donc il verse le yaourt avec le citron. Donc sur les cheveux. En après plus, il faut étaler. Hein. Et puis c'est horrible parce qu'il y a du jus de yaourt. Ah, oui, oui. Ah c'est dégueulasse. Il en met partout ce con évidemment. Tu mets le citron avec Amir. Hein. Tu l'as mis dedans? Tu l'as mis dedans déjà le citron? J'ai mis le citron et d'accord. J'en rajoute un peu. Vas-y rajoute-en parce qu'il faut qu'on règle. Ah non non non. Histoire que ce soit bien acide. Non ouais. C'est dégueulasse. C'est un shampoing, il lui fait un shampoing là. Tu penses qu'Elsa, ça va aller mieux mes cheveux après? Franchement, j'espère. Ouais. Ça me dégoûte. C'est même pas du vrai citron, même pas c'est le faire. Ouais. Truc de Carrefour là. On vous filme tout pour la chaîne YouTube Marion et Enzo. Tu ressembles à rien, Bichon. Ouais. Hein. Non, mais de toute façon, je vais faire l'émission comme ça après, moi. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. On va passer à la suite et on va passer tout de suite à qui on passe, Marie. Bah, à toi. À moi. Les cernes pour toi. Bon, alors moi j'ai un problème de cernes, donc on va me frotter les cernes avec une pomme de terre. Il paraît que ça fonctionne. Ah ouais, j'en ai entendu parler de c'est ça. C'est vrai ? J'ai pas essayé, mais j'ai entendu. Mais pourquoi ? C'est les vitamines qu'il y a dedans, tu crois ? Je sais pas, j'ai lu ça sur, sur internet justement, comme ça. Je trouvais ça assez loufoque. Moi je choisis et je veux que ce soit Marion qui me le fasse. Je vais le faire. En plus, elle est bien huileuse, c'est dégueulasse. Donc il faut frotter comment, Elsa ? Juste en dessous ? Bah ouais, là sur la zone mais du tu frottes front. Pas au-dessus, hein. Mais arrête de me tenir la main. Tu m'en mets pas dans l'œil. Mais non, regarde. Ouais, d'accord. Allez, attends, je fais les deux. Ok, c'est horrible. Ça pue en plus, hein. C'est un enfer. Mais tu crois, je trouve que ça va déjà mieux. Non. J'ai l'impression de puer l'amidon. On va passer tout de suite à Amir. Non. Si. Amir, je trouve que t'as le teint un peu terne en ce moment. C'est possible, je dors pas beaucoup en ce moment. On va te faire un masque au miel. Oui. En posant une feuille sur le visage. Donc on va te poser du miel et tu vas être obligé de rester comme ça environ 10 minutes. C'est ce qu'il y a écrit. Elsa, tu connaissais le miel ? Le miel, ouais. Ça marche bien ? Ouais, ça a de bonnes vertus. Ouais. Ah, mais c'est dégueulasse. Ça va être surtout relou à enlever, non ? Ouais, c'est pas agréable. Ça me dégoûte, moi. Je l'ai fait une fois, j'ai pas aimé. Ah, et t'avais juste mis du miel ou autre chose dedans ? Non, j'avais mis... qu'est-ce que j'avais mis ? Je crois une huile quelque chose, je sais plus, ça fait longtemps, mais je sais que j'avais utilisé le miel. On y va, hein. On met que du miel, tu y vas à fond, bichon. Allez, ça y est, on est sur un masque. C'est archi froid. Ouais, ça colle. Ça va. Allez, ça va bien se passer. Il en met partout, c'est dégueulasse quand même. Oh là là, sur les sourcils et tout. En tout cas, je sais pas si ça fait du bien au teint, mais ça fait mal à l'amour propre. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est cette scène d'Enzo avec son yaourt sur les cheveux qui met du miel sur Amir. Et donc Amir. Là, voilà, on a perdu les deux, hein, globalement. Ouais. Voilà, tu restes comme ça pendant 10 minutes. Okay, 10 minutes. On va terminer avec Marion. C'est quoi, Marion ? Et ça, c'est un truc que tu connais forcément, tout le monde connaît ça. Ouais. C'est et pour éliminer les peaux mortes, se frotter avec du gros sel sur la peau, se faire un gommage. Ouais, mais c'est quand même abrasif. Hein. Oh, abrasif. Tout de suite, les grands mots, Elsa. Ouais, c'est un mot trop intelligent pour moi. Alors, je vais le faire ou Enzo, tu y Enzo, vas Enzo, vas-y, mais tu. Enzo, vas-y, tu y vas. Il faut que ça abrase. Hein. D'accord, on donc, y va. On y va, on abrase. Ça fait mal. Et on n'hésite pas à appuyer. Ah, ça, voilà. Ça fait mal quand même. Hein. Je vous dis que Marion est en train de perdre la peau de l'avant-bras. Ah, ça pue en plus. Ah, c'est tout doux. Mais ils sont pourris nos astuces là. Ouais. Oh, ça me dégoûte. Et ça colle ? Bah, ça colle un peu, ça fond. Okay. Mais non, mais il avait du miel avant. Ah ouais. Quel blaireau. Tu sais, ça peut pas faire de mal. Bon, alors, du coup, est-ce que tu peux juste nous donner une note sur ces astuces du Night Show, Elsa ? Voyons. Ça veut tout dire. Hein. Elle est dépitée. J'en essaierai aucune. Hein. D'accord. Bon. D'accord. Ouais, on a tenté. J'aurais pas essayé le masque cheveux, encore moins le miel sur le visage. Bon, écoute. Tu sais quoi ? On a encore de la question pour toi. Il y a Tina de Lyon. Ouais, allons-y. Alors, Tina de Lyon, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Tina ? Allô ? Salut Marion, salut Anto. Ça va, Bichette ? Oui, et vous ? Bah ouais, très bien. Elsa est là, tu peux lui poser ta question, vas-y. Oui, alors en fait, c'était pour te demander si c'était pas trop dur en fait de raconter son histoire sur YouTube et que les gens t'aiment en fait juste pour son handicap. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu as peur que les gens t'aiment plus pour ton handicap que pour ton talent, par exemple ? Ouais, mais j'avais peur, c'est une bonne question. J'avais peur au début, quand je l'ai annoncé, quand j'en ai parlé pour la première fois. Ouais. J'avais peur que les gens, justement, s'intéressent davantage à ça, restent vraiment sur ça, me posent des questions que sur ça. Alors que c'est pas du tout mon but, en fait. Moi, quand je me suis inscrite, je voulais être juste Elsa, quoi, tout simplement. Ouais. Et quand j'en ai parlé pour la première fois, bah, au contraire, ça a été l'effet inverse. Les gens ont été hyper compréhensifs. D'abord étonné bah, par la situation. Et après, non, ils s'en fichent complètement. D'accord. Même quand je les croise dans la rue, ils sont adorables, respectueux. Il n'y a pas cette curiosité malsaine qu'on pourrait, à laquelle je croyais au début et qui me faisait peur. Mais non, après, bien sûr, il y a toujours 2-3 abrutis, j'ai envie de dire, hein, dans le web. Ouais, c'est sûr. Voilà, sur le web encore plus, hein, du moment qu'on s'expose. Mais franchement, non, j'ai jamais eu de problème. Jamais. D'accord. Je pense pas que les gens s'intéressent à moi pour ça. Ils sont plus touchés par le parcours et quelque part, ils sont admiratifs, quoi, apparemment. Mais il y a pas de pitié. Et c'est un mot que je déteste. Ah, ouais, j'imagine. Ouais, l'enfer. Ouais, voilà, ma belle. Voilà, Tina, tu sais tout. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun ? Oui, bien sûr, t'auras un pack fun. Incessamment sous peu, la poste, tout ça, quoi. Hein ? On t'embrasse, Matina. Allez, bisous. Bisous. Gros bisous, merci. Si vous voulez encore poser des questions à Elsa, vous nous appelez maintenant la 01 42 48 5000. On fait de la radio ensemble, là, en direct jusqu'à minuit. C'est Marion et Anso. Amir, juste un petit mot, là, avec ton masque, comment ça se passe ? Ça brille. Ça, c'est passé sous mes lentilles, du coup, je vois plus rien. Ah merde ! D'accord, ça marche. Hashtag accident. Bougez pas, on revient tout de suite. C'est Marion et Anne-Sophie, on passe la soirée ensemble jusqu'à minuit du dimanche au jeudi 22h minuit. Faut retenir ça quand même là les gars, ça fait depuis quoi, le mois d'août qu'on est là. Alors maintenant c'est bon, ça devrait rentrer. Ça va vous rentrer dans le citron camp. Ce soir notre invitée c'est Elsa Makeup, la youtubeuse qui vient juste de sortir son bouquin, ça s'appelle Elsa Makeup mes secrets. Franchement pour ce que c'est pas très cher, c'est 16,50€ et c'est juste une tuerie à la fois son histoire qui est hyper bien racontée, hyper touchante et plein de conseils beauté. Là j'ouvre et je tombe sur Smoky Eyes facile. Voilà. Le fameux Smoky Eyes, maquillage neutre pour l'école. Enfin, il y a vraiment plein de trucs pour tous les niveaux. Donc, c'est super cool. Merci d'être venue, Elsa, en tout cas. C'était vraiment un kiff. Je suis super contente d'être là. On a encore de la question pour toi. Oui, il y a Laura de Brest. Bonsoir, Brest. Bonsoir, Laura. Salut Marion, ça y est, Anne, salut toute l'équipe. Ça y est, Elsa. Salut. Vas-y, chérie. Oui, du coup, je voulais savoir, Elsa, est-ce qu'on t'avait déjà proposé de faire de la télé en tant que chroniqueuse beauté ou quelque chose comme ça? Pas en tant que chroniqueuse, on m'a proposé de la télé. Pour faire des apparitions comme ça. Ouais. J'ai toujours refusé jusqu'à maintenant parce que c'est un média qui m'intimide vachement. D'accord. Je suis pas particulièrement à l'aise à la télé ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours refusé jusqu'à maintenant. Et si on me proposait pour être chroniqueuse, c'est clair que je refuserais. Parce que non, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ton métier, quoi. C'est pas du tout mon métier. C'est pas mon rayon. Je suis pas à l'aise. Donc attends, je laisse faire ça aller au pro, quoi, tout simplement. Voilà. Qu'elle est chou, mais plus ça va, plus on l'aime. Hein. Plus ça. Voilà, Laura, pas de télé pour Elsa, mais tu peux continuer à la suivre sur la chaîne YouTube. Voilà. Bah oui, c'est une mini télé. On t'embrasse. Est-ce que je peux faire une dédicace? Oui, fonce. Eh ben, je fais une grosse dédicace à Fanny qui vient juste de passer, qui m'a fait une dédicace et voilà, j'aime plus que tout. Mais elles sont mignonnes, c'est des beurs. Bisous les chéries. Bisous. J'aimerais quand même qu'on fasse un point avec Amir qui est juste en train de décéder avec son miel sur le visage. Tu vas pouvoir l'enlever, mais comment ça se passe avec les lentilles là? Eh ben, l'œil gauche, je vois plus. Ah. Là, et le droit, il est en train de partir. Mais surtout que je peux plus cligner des yeux parce que mes paupières se collent. Amir a toujours tendance aussi à exagérer quand même. Amir, est-ce que tu veux faire un livre éventuellement avec écrit mon histoire et raconter tous tes grands problèmes de la vie, tes problèmes qui concernent tellement de gens? Je veux bien essayer, mais je pense que ça ne marcherait pas. Ouais, je te confirme. Ouais. En tout cas, si vous nous rejoignez, on a fait un test sur Amir de voir si le miel était efficace sur le teint. La réponse est bien sûr que non. Et on a encore une dernière question pour toi avec Élise Détempe. Bonsoir, Élise. Coucou Marianne, coucou Elsa. Salut. Ça va, Élise? Oui, vous? Ouais, très bien, on t'écoute pour ta question. Alors ma question c'est, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos make-up? Alors, c'est, si vous connaissez, Julie Lozmac 07, qui est toujours une youtubeuse beauté, mais à l'époque c'était la pionnière en fait, j'ai envie de dire, qui a vraiment lancé un petit peu le mouvement. Moi c'est celle que j'ai découvert en premier, celle qui m'a donné envie de me lancer, qui m'a fait partager en fait sa passion du make-up et aussi de YouTube, donc ouais, c'est définitivement elle. Mais t'avais aucune base dans le make-up avant, okay. T'as vraiment appris toute seule? Aucune, j'ai tout appris sur le tas, j'ai fait aucune formation, mais vraiment pas, j'étais pas plus portée sur le make-up qu'autre chose. J'étais coquette mais sans plus, hein. Vraiment pas. Et quand j'ai découvert ces vidéos, ça a été un déclic en fait. C'est bizarre, mais c'était un déclic. Mais c'est dingue, parce qu'elle manie le trait d'eyeliner, mais comme personne maintenant. Ouais, mais il y a quand même de l'entraînement. De l'entraînement, ouais. Moi, je m'entraîne depuis quand même 4-5 mois. C'est vrai que toi, tu n'es toujours pas toi. Non, moi, je ne suis pas. Moi, c'est... Est-ce que tu regardes ses tutos? Mais oui, j'ai regardé son tuto. Alors, l'eyeliner est génial. Déjà, elle m'a appris à mettre une base. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Et le crayon Cher sous l'œil, là, qui ressort l'œil, c'est vachement bien. Mais sur moi, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est vrai. Voilà. Et tout. Il y a des gens, ça marche. Et des gens, ça marche pas. T'as pas de chance. Hein. Continue à bosser. Ça va venir un jour ou l'autre. Merci, Marion. Voilà, Élise, t'avais pas d'autres questions? On t'embrasse? Non. Eh ben on t'embrasse, Élise, bisous. Bisous. Bisous, à bientôt. Elsa, merci beaucoup d'être venue dans le Night Show. C'était un kiff de te recevoir. Merci à vous, c'est trop bien. En plus, on sait que t'as un emploi du temps un petit peu chargé ces temps-ci. C'est pas tous les jours. Hein. C'est adorable. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube Elsa Makeup, aussi Elsa Life and Vlogs. Voilà. 284 000 abonnés sur celle-ci. Et puis elle est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Elsa Makeup Off sur Snapchat. Et évidemment, le bouquin qu'il faut avoir à la maison, on peut le trouver où, partout? partout, dans toutes les librairies, toutes les FNAC, sur Internet, partout. Ça s'appelle Elsa Makeup, mes secrets. Franchement, c'est un kiff et il y a de tout dedans. Voilà, son histoire, du tuto, la totale, quoi. Offrez-les à vos amis, à vos boulangers. Est-ce que tu avais la cuisine dedans, en plus? Oui, ah bah, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a des recettes aussi, j'ai vu. Voilà, je disais pas ça innocemment. Est-ce que tu as un petit mot pour, je sais pas, tous ceux qui te suivent, un petit mot à leur dire, en profiter? C'est cliché, mais un gros merci, forcément, parce que sans eux, je ferais pas tout ça, il y aurait pas tout ce livre, et puis ils sont géniaux. Enfin, en gros, une grosse dédicace à tous mes abonnés, à toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qui m'écoutent peut-être ce soir. Je leur fais un très gros bisou et je les aime très très fort. Merci, elle est mignonne. Bon, vous restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On continue de faire de la radio ensemble à 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous appeler et en plus c'est gratuit. Ah, tiens, ouais, pas vu bien ça. On est en direct jusqu'à minuit, c'est Marion et Anne sur le Night Show. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Bienvenue à Julien Beretta. C'est résolument un album d'été. Mais oui, c'est vrai, mais regardez ce morceau-là. Ah, The Avener. Ça, c'est The Avener, ouais. Et moi. Ouais. Mais The Avener, ils seront avec nous à Ibiza, d'ailleurs. Ah, ouais. Dis bonjour à moi. Et ben, je n'y parce qu'elle ne répond pas sur WhatsApp, le connard. D'accord. Julien Beretta en live. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight, we can die this way. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his mom ran off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Fast car, say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way. 22h à minuit, Marion et Anso vous offrent la parole. Bonsoir les filles, bonsoir Marion, bonsoir Anso. Du kiff. Merci Marion Anso, je kiffe le Night Show, merci beaucoup. Oh là là. De la rigolade et même de la chanson. C'est l'histoire du Night Show. Le soir sur Fun Radio. Night. Du dimanche au jeudi, on est à 22h à minuit. Marion et Anso. Night Show. 22h minuit. Sur Fun Radio. Et on est aussi là pour vous aider si vous avez un souci. On est comme des grandes sœurs. On peut voilà, vous conseiller sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, pas de tabou chez nous. 01 42 48 5000 comme Élise qui nous a appelé parce qu'elle a une sale réputation. Elle a une histoire pas facile, Élise. Bonsoir, Élise. Salut tout le monde. Ça va, chérie? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien. T'as quel âge et t'habites où, toi? J'ai 16 ans et j'habite à Lille. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que t'as une réputation au bahut. Alors en fait, au début de l'année, j'ai fait une fellation à mon copain au lycée. Et en fait, tout le monde l'a su. Et du coup, au lycée, tout le monde m'appelle Garage Habit. Garage Habit, c'est tellement horrible. Non, pardon, non, mais ça me fait rire parce que... Parce que je trouve que c'est hyper violent ce surnom, quoi. Garage Habit. Mais enfin, Élise, moi j'ai une question. Pourquoi l'avoir fait au lycée, la fellation à ton pote, à ton mec? Non, je l'ai pas fait au lycée, mais ça s'est su au lycée en fait, parce qu'on s'est séparés. Ah, du coup, il l'a dit à tout le monde et tout le monde l'a su. Et bah, encore un mec intelligent, ça. Ouais. Et c'était ton chéri? Oui, oui, on était ensemble depuis pas longtemps, donc voilà, il l'a dit à tout le monde, donc du coup, tout le monde l'a su, puis voilà. Ah, c'est dur, parce que franchement, t'as juste voulu kiffer avec ton mec, qui était vraiment ton mec à l'époque, c'était même pas genre un plan cul ou quoi. Non. Tu l'as fait une fois et tu te prends cette réputation, quoi. C'est ça. Mais du coup, mais ça va, t'as l'air de plutôt en rire. Ça va, c'est pas... Au bout d'un moment, on a l'habitude, quoi. Parce que pendant un an, tout le monde m'a appelé comme ça. Mais bon, du coup, comme là, c'est les vacances, comme je suis en seconde, j'ai peur de retourner au lycée et tout. Mais je peux pas le dire à mes parents, parce que si mes parents l'apprennent, je me fais défoncer. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, mais donc, alors... Bon. Moi, je pense que l'été, ça va tasser tout ça. En général, on oublie tout, on repart sur de bonnes bases. Voilà, je vais pas te donner de l'espoir pour rien, mais à mon avis, à la rentrée, ils auront autre chose à penser que de t'appeler comme ça. C'est vrai qu'en règle générale. J'espère, parce que... En règle générale, tout ce qui est scandale, trucs comme ça, ça s'efface bien avec l'été. Ouais. Après, on repart tout sur de bonnes bases. Bah, t'as passé des bons moments et tout, donc du coup, tu zappes tout. Exactement. Bah oui, j'espère, parce que bon, voilà, quoi, je peux pas le dire à mes parents, parce que voilà, je peux pas changer de lycée, je peux rien faire, donc voilà. Moi, je vais te donner un truc par rapport à la réputation, Élise. Il y a un truc à faire, c'est que il faut pas montrer que ça t'atteint. Et ça, c'est vrai, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu fais la meuf qui en joue, qui s'en fout, que ça fait marrer, les gens vont se lasser, vont se dire bon, bah, aucun intérêt de le faire. Donc vraiment, ne montre pas que ça t'affecte. Tu fais la meuf, ouais, si tu veux, le garage va bien. Tu le fais une, deux, trois fois. Et après, tu verras, ça va passer tout seul. Le garage tourne bien. Bon, c'est chaud quand même. Parce que, enfin, quand il y a tout le monde qui t'insulte, enfin, c'est chaud, quoi. Mais c'est pas grave. Mais Élise, tu sais, toi et moi, ça nous fait un point commun. Puisque moi, quand j'étais au collège et au lycée, on m'appelait tête de bite. Et finalement, c'est pas la même signification. Mais il y a quand même le mot bite dedans. C'est vrai. Okay. Non, mais vraiment, Élise, vraiment, écoute ce conseil, c'est hyper important. Sois détachée. Fais la meuf qui. Je vais essayer pour voir ce que ça fait. Ok, ça marche. Ok. Et puis, on a de la réaction pour toi au standard. On va voir ce que ça donne. À mon avis, t'es pas la seule. Non, je ne crois pas. J'espère. Il y a Ludivine aussi qui est avec nous. Bonsoir, Ludivine. Hello, toute l'équipe. Ça va, Ludivine? Ça va et vous? Oui, très bien. Est-ce que toi, t'as vécu un truc dans le même genre? Bah, à peu près pareil, hein, en fait. Quand j'étais au lycée, j'ai eu la réputation d'une fille facile et du coup, on m'a appelée, creux à queue ou un truc comme ça, ouais. C'était un. Creux à queue. Creux à queue. Ouais, creux voilà. À queue. Ça veut dire quoi? Mais je sais pas, creux à queue. Bah, je sais pas comment l'expliquer, en fait. C'était comme un garage à bite, mais bah voilà. D'accord, un creux à queue, quoi. Un gouffre à queue, voilà, c'était ça qu'ils appelaient. Ah, un gouffre à queue, gouffre à queue. Ah, c'est pas pareil. Non, mais je me suis trompée. Gouffre à queue. Mais c'est violent, quand même. Ça, par contre, c'est oui, tout. Bah oui, c'était super violent, ouais. Mais attends, mais pourquoi? Parce que t'es une fille facile, ou... Non, j'étais pas une fille facile, mais disons, bah, j'aimais bien le sexe, et bah, j'ai eu plusieurs copains dans l'espace du lycée. Et du coup, j'ai eu la réputation d'être une fille facile. Bah, après, faut faire attention, les filles, parce que vous le savez, quand vous enchaînez les relations comme ça sexuelles avec des mecs qui sont même pas vos mecs, au bahut, c'est quand même risqué après, ça se sait. Au bahut, tout le monde se dit tout. Donc, bah, moi, je trouve ça toujours assez hallucinant d'être autant libérée à 18, 19, 20 ans, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout comme ça. Parce que je trouve que c'est jeune, tu sais, tu manques encore d'expérience et tout, et je trouve que c'est. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, les filles, hein. Moi, je juge pas du tout, hein. Mais c'est que... Il faut le garder pour soi. C'est-à-dire que même quand tu fais ça, il faut pas le raconter à tes copines. Enfin, c'est trop risqué. Voilà, mais non, mais j'ai raconté ça à personne. C'est juste que ça s'est su par les mecs. Ouais, mais c'est ça. Bah forcément, les mecs, ils sont trop fiers à cet âge-là. C'est ça le truc. Mais oui. C'est que toi, tu peux être assumée en tant que fille qui aime le sexe, mais les mecs, ils vont forcément tout balancer, c'est sûr. Bon, Ludivine, ça va là? Bah ouais, carrément. J'en ai plus fric qu'autre chose. Hein. Moi, ça m'atteignait pas plus que ça. Bon, bah tu vois, Élise, Ludivine, c'est un bon exemple. Et elle franchement, c'est pire. Gouffre à queue, c'est pire que garage à ouais, c'est violent quand même. C'est terrible. Ludivine, merci de nous avoir appelé. On t'embrasse. Merci, bisous. Bisous, ma belle. Bisous. L'équipe, on va se faire un petit jeu sur les réputations. Vous allez me dire lequel parmi nous tous mérite le plus la réputation de. À chaque fois, je vous propose des trucs. Okay. Ah ouais, vas-y, cool. Lequel de nous mérite la réputation du plus radin dans l'équipe? Marion. Non. Non, mais c'est Marion, elle taxe. Elle a jamais de thunes. Ah ouais. Mais donc je suis hyper généreuse. Elle est pas du tout radine, mais elle taxe tout le temps. Quoi. Et elle les rend pas. Ouais, c'est ça. Manu, il passe des messages. Mais c'est méchant parce que tu vois. Non, bref. Non, mais en plus, elle échoue parce qu'elle achète des trucs et tout. Elle me fait plaisir. Mais voilà, c'est par déduction en fait. D'accord. On ça. Lequel de nous mérite la réputation du plus infidèle? Bah, aucun, je crois. Aucun. Bah, ouais, c'est vrai que dans cette équipe. À part Enzo, standard, je vois pas quoi. Bah, non. Non, mais je m'exprime parce que ça me fait coûte. Mais c'est vrai que dans l'équipe, il y a personne, en tout cas, hein, publiquement, n'est infidèle. Mais non. Même ceux qui sont pas à l'antenne, tu vois, notre auteur, Cindy, personne. Bon, bah, c'est beau. Ouais. Lequel de nous mérite le plus la réputation de langue de pute? Mano. Non, c'est pas Mano. Ouais, je sais pas, moi. Si, Manon, Marion peut-être un peu. Marion peu quoi. Marion et Manon, je pense que s'ils passent un café ensemble, c'est horrible. Ouais, on s'en prend tous plein la face. C'est pas faux. Lequel de nous mérite la réputation du plus sex addict? Oh, bah Anso. Anso, ça va dans le fond. Lequel de nous mérite la réputation du plus porte-poisse? Moi je dirais Amir. Enzo, non? Ah non, Amir, il casse toujours tout, il perd toujours tout. Amir, il a perdu sa carte bleue 600 fois au début de l'année. Ouais, mais moi par contre, je suis pas porte-poisse. Porte-poisse, par contre, au contraire, j'ai toujours de la chance dans ma vie. Non. La preuve, je suis là. Oui, mais pour les petits trucs du quotidien, t'as la poisse. T'as la Marion, bien sûr que non. Si, t'es un loser, tu ok, bien sûr que oui. Lequel de nous mérite la réputation du plus teubé? Enzo. Enzo. Lequel de nous mérite la réputation du plus crado? Enzo. C'est pas vrai. Mais c'est pour ses cheveux gras. Ouais, oui. Lequel de nous mérite la réputation du plus chiant à vivre? Bah Mano. Ah moi je. Amir est pas mal. Hein. Chiant à vivre les gars. Je suis maniaque. Mano il est relou. Hein. Ah mais lui il est impulsif et tout. Ouais, c'est non, mais attends. Eh, j'ai pas une maladie, hein, je suis pas assis comme ça et d'un coup je te fais connasse! Bah non. On n'est pas loin parfois. Non, mais Mano, c'est pire, il est soporifique. Bon, ok. Mano, lequel de nous mérite la réputation du plus colérique? Ah. Et celui qui dit mon nom, je lui pète sa gueule! Amir. Je sais pas, on est tous un peu quoi. Non, moi je dirais Anso. Anso, elle est. Mais Anso et moi, de ce côté-là, on est un peu pareil. Ouais, on est pareil. Bah, en fait, on est un peu sanguin. Ouais. C'est ça, c'est qu'eux, ils sont hyper calmes, tout va bien. Et par contre, s'il y a un grain de sable qui vient les énerver, il vaut mieux se cacher sous les bureaux. Anso, elle a dû s'énerver trois fois cette année, mais quand elle s'est énervée, même moi j'ai eu rep alors que c'était pas contre moi. C'est un truc de ouf. C'est énorme. Bon, restez là avec nous dans un instant sur Fun Radio. Qu'est-ce que c'est? C'est le pourquoi. Pourquoi tu m'appelles? Ah oui. Et alors pourquoi je l'ai fait comme ça, je sais pas. Restez avec nous en tout cas. Et si vous voulez vous inscrire, c'est par mail, hein, marion@funradio.fr. Et pour le son tout de suite, je me suis dit qu'Era et Streffy, ça passerait toujours bien dimanche soir. Grave. Allez, c'est bonbon sur Fun Radio. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get you chit to dun, dun, dun. Bun, bun. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get you chit to dun, dun, dun. sam para si ta kiš. Vom drugu će mamu kore priše priš. Ja un si jama ane. Se kur vtof ne hat. Vous écoutez Fun Radio, c'est Marion et Enzo, le Night Show. Et Marion et moi, nous ne sommes pas seuls le soir. Il y a Manu à l'arrière, il y a Enzo Standard, il y a surtout Amir des réseaux sociaux. Oui. Connu aussi sous le nom de Sourcilman. Oh. Et puis connu aussi pour nous faire des bruits qui sortent de n'importe où. Écoutez. Oh ouais. Voilà. Alors ça, c'était cette semaine dans le Night Show. À un moment donné, il a réagi à un truc. Oh ouais. Et donc, nous, on s'est amusé à l'intégrer dans une musique, ce ah ouais. Et c'est hyper drôle et ça me fonctionne très très bien sur Mom Aloha. Écoutez. Et, franchement, ça marche de ouf. Et tu sais que sans déconner, Amir, sur Snapchat, il y a plein d'auditeurs qui m'envoient des messages pour savoir s'ils peuvent l'avoir, quoi. Le oh ouais. La version môme comme ça, quoi. Putain. C'est énorme. Je vais prendre des droits, je vais devenir riche. Wow. Il va faire des concerts, quoi. Et surtout, bravo à notre prod son, là, Jérôme Sopin, qui est quand même un dieu pour faire de ce ah ouais dégueulasse un vrai tube. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et vous gagnez vos enceintes Bluetooth Philips, ça c'est cool parce que hop, on pnait avec des potes cet été, ouais. Hop, sur la plage, on en met l'enceinte. Pas bête. C'est vrai, on l'emmène pas d'ailleurs, on l'emmette. on l'emmette. Et on joue avec Myriam ce soir. Bonsoir Myriam. Salut Marion, salut Enzo, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Très bien, très bien. Alors on habite Lyon. Oui. Ça se passe bien, tout va bien à Lyon? Oui, tout va bien, tout va bien. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis au lycée. Oh, mais tu as une voix mature. T'as quel âge? 15 ans. D'accord, ah ouais. En seconde? Oui, en seconde. Non, ça, c'est l'année cool, quoi. L'année, il n'y a pas de bac, pas d'épreuve, rien du tout. Profite-en. Bah, je suis déjà en vacances. Oh, la chance. Crâneuse, ça va. Tu veux jouer contre qui, ma belle? Contre Marion. Ok. Alors, Myriam, pour que tu puisses gagner plus facilement, on va donner un handicap à Marion. D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le placement. Je vais te donner trois mots que tu vas devoir placer pendant ton appel. Ouais, je te connais, toi. Vas-y, balance les mots. Non, mais ça va aller. Tu vas placer le mot charcuterie. Enfin, ça va. Pas compliqué. Ouais. Priapisme. Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, priapisme, c'est le truc horrible là, qui arrive aux mecs, je crois. Priapisme. Ouais, c'est la espèce de maladie de la testicule, je crois. Ah, bah oui, c'est logique en plus que je parle de ça, moi. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu vas placer le mot poulopo. C'est quoi déjà, ça c'est un plat hein. Ouais, c'est un plat. D'accord. Ou alors c'est une référence à Jamstar. Poule pendeuse. Myriam, okay. On essaye, on laisse Marion commencer. Ça va toi Simon? Vous avez des prénoms tellement similaires. Ouais. Allez, Marion, tu commences. J'y vais. On appelle. Alors on n'oublie pas priapisme, charcuterie et poulopo. Et poulopo. Ça va avoir ni queue ni tête hein. Ah mais non, priapisme c'est un truc avec la verge. D'accord. Beaucoup plus facile d'un coup. Qu'est-ce que c'est en fait? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi tu m'appelles? Ah mais je vous appelle pas du tout, non, c'est non. Je sais pas. C'est pas possible, c'est la quatrième fois que ça m'arrive aujourd'hui. Là je comprends pas, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi je suis en train d'acheter ma charcuterie pour mon poulopo de ce soir. Et là, j'ai encore un appel quoi, j'en ai marre, c'est tous les jours en ce moment. Ah mais écoutez, je suis désolée, je vous appelle pas du tout. Mais vous êtes sûre? Parce que vraiment, moi j'ai un appel d'un numéro inconnu, je décroche et c'est vous. Ah bah non, mais vous êtes qui hein? Excusez-moi votre nom, on n'a appelé personne là. Bah écoutez, moi c'est Céline. Céline, c'est Céline, alors en plus j'attendais un appel important par rapport au priapisme de mon mari, parce que bon, ça commence à être un peu compliqué cette histoire. Non mais Céline, vous habitez où? Vous habitez, parce que vous êtes dans quel département? Ah je suis dans le Gers. Ah non, alors là c'est sûr que non. Ah puis alors il y a une épidémie de priapisme en ce moment dans le Gers, c'est une catastrophe. Je vous assure, entre ça et la charcuterie qui part à une vitesse, les prix s'enflamment, moi je suis perdue. Bon bah écoutez, je suis désolée, c'est pas nous, voilà. D'accord. Au revoir. Bon bah écoutez, à bientôt. Merci, ça marche. Au revoir. Fort. La charcuterie part à une vitesse. Alors attendez, ce que je viens de retrouver, le priapisme, c'est un souci d'érection qui arrive pendant le sommeil. Parfait. Ah, okay. Douloureuse et intense. Et je vous signale que j'ai placé deux fois chaque mot quand même. Vous pouvez me féliciter. Ouais, merci. Bravo. Par contre, on dit ma poulopo et pas mon poulopo. Ah bon, c'est une poulopo. Ah d'accord, certes. Combien de temps j'ai fait, Manon? 1 minute 18. Merci, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Myriam, on y va? 1 minute 18 à battre. Respectable, dit l'autre. Allez, bonne chance. Merci. Allô? Allô? Allô? Oui, pourquoi tu m'appelles? De quoi, pourquoi je t'appelle? Ah, Maxime, c'est toi? Ça va? Attends, t'es qui, toi? T'es qui? Non, c'est Tom. Mais c'est Sarah! On était dans la même classe l'année dernière. Attends, c'est Tom ou c'est Sarah? Non, c'est Sarah. Et toi, c'est Tom, non? Allô? De quoi c'est Sarah? T'es dans une bonne blague. Mec, qu'est-ce que tu me dis que t'es une fille? Ça va, Tom? Mais non, c'est Sarah! Arrête avec toi! Tu viens pas de moi? Arrête, mais non. Mais t'es si. Qui, là? Comment t'as eu mon numéro? Mais c'est Sarah! Je sais pas, il était déjà dans mes contacts. Dans tes contacts? On était ensemble l'année dernière! Où ça? Vas-y, dis-moi. Tu viens de moi? Dis-moi où est-ce qu'on était ensemble? Tom! Dis-moi où on était ensemble, vas-y, dis-moi. On était ensemble au collège, en troisième! Troisième fois! Au collège l'année dernière? Ça te dit pas que chose? J'ai 24 ans! Mais t'as 24 ans? Mais attends! Mais c'est Maxime, mais attends, alors c'est pas possible! Au collège l'année dernière, ou alors j'ai redoublé un paquet de classe! Quoi? Allô, tu m'entends pas là? Bah, je sais pas, ça doit être un souci là, t'es chez quel opérateur? De quoi je suis chez quel opérateur? Mais ça te regarde pas! Bah, je sais pas, parce que, enfin, je sais pas, mon téléphone sonne, je réponds, excuse-moi, mais enfin, je pensais que c'était un ami. Vas-y, arrête. Je me casse les couilles vraiment, arrête, et t'es qui? Mais je reste poli, courtois, pourquoi est-ce que tu commences à. Tu me casses les couilles, arrête! Déjà, dis-moi comment t'as eu ce numéro! Bah, c'était déjà dans mes contacts, hein, et puis c'est toi qui m'appelles. Mais t'es quoi ce connard? Du coup, je réponds. Ah, Mais je pense que ça doit être une erreur alors. C'est chez Orange. Une erreur, mais tu me prends pour un con quoi. Qui? Bouygues. Ah, ça y est, il est parti. Johnny argument quoi. Ah, non, ouais, mais ouais. Toi. Il avait aucune répartie le mec, mais toi, t'as tenu pas mal de temps avec cette histoire. Combien de temps elle a fait? Bah, tout de même, 1 minute 33. Bravo, ouais, bah, c'est gagné. Bravo! Top! On t'envoie l'enceinte, Philippe, Bluetooth à la maison, tu vas kiffer! Ouais, super, merci beaucoup, Lucie! L'enceinte, Philippe! Ah ouais! Philips! Ah bah moi, je francise! Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, vous gagnerez votre enceinte, Jean-Jacques! On t'embrasse, Myriam! Merci beaucoup. Merci. Dans quelques minutes sur Fun Radio, il faut absolument que je vous raconte une face d'Anso qui est vexée, mais comme un pouls depuis quelques jours. Bah ouais. Parce qu'un auditeur a eu la maladresse de lui donner 38 ans. Bah c'est quand même hyper vexant, ou pas ? Soit quoi, 5 ans, 6 ans de plus ? Ouais, 6 ans de plus. Ouais. Non, mais elle ne fait pas du tout, mais du coup, elle est archi vexée. On avait envie de parler de ça avec vous. Là. Est-ce que vous avez déjà été vexée de ouf pour un truc ? Venez nous raconter ça sur Fun Radio. On en parle juste après la découverte Fun Radio. Calvin Harris et Rihanna, c'est tout de suite. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Le Night Show, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi. On finit la saison le 30 juin, les copains. Donc, si vous avez envie de venir avec nous dans les studios, nous rencontrer, profiter, bah, passer une soirée de kiff à la radio, Marion et Anne-Sor, funradio.fr, il n'y a pas de souci, on kiffe vous voir, nous. Hein. Allez, on y va, on en profite. Et puis donc, on voulait vous parler de ce moment vexant quand même que j'ai vécu. Alors, on va pas se mentir. Mais vous êtes d'accord ou pas? J'ai le droit de me vexer? Je suis d'accord, oui et non, parce que en général, tout le monde te dit t'es trop belle, t'es magnifique, tu fais jeune et tout. Là, un auditeur te dit bon, tu fais 38 ans. Ça ouais, va. Mais alors là, il m'a grandi de 6 ans, donc c'est quand même pas rien. Et en fait, j'avais posté sur mes réseaux sociaux une photo de moi avec un débardeur petite nantaise que j'ai reçu, que j'aime beaucoup. Et donc, un auditeur m'a envoyé, je trouve que t'es très très belle pour une nana de 38 ans. Je trouvais ça mais horrible. Tu sais, le faux compliment déjà, l'ascenseur émotionnel. Et en fait, je fais quand même pas 38 ans, rassurez-moi. En plus, t'as pas une ride, toi. T'es quand même hyper fraîche, quoi. Arrête, peau de pêche. Non, mais c'est vrai. Forcément, j'ai une hygiène de vie irréprochable. Mais tu les fais pas, mais ça arrive à tout le monde de se tromper un peu d'âge comme ça. Donc, du coup, avec Marion, on s'est dit qu'est-ce qui est pour vous le truc le plus vexant. Donc, réagissez, hashtag le Night Show. Y a pas de problème, nous vous lisons, éternellement. Oh, bah, on partage. C'est quoi le truc le plus vexant qu'on ait pu te dire, toi, Marion? Moi, y a un truc qui m'avait marqué, c'était au lycée. On me disait, parce que tu sais, je commençais à mettre des talons et tout, que je marchais comme un cow-boy, comme un bonhomme. Non. Ah ouais, c'est horrible. Tu sais, les jambes un peu arquées. Ouais. Et c'est vrai, en plus, je marchais comme ça, mais du coup, je l'avais mal vécu. En plus, on se foutait de ma gueule, donc voilà, ça m'avait vexé vraiment pour de vrai. Tu te vexes pas trop facilement, toi, hein? Oh, bah non. Oh, je voulais juste dire quelque chose. Pourquoi? Marion, devant toi, elle fait genre elle est pas vexée, mais par contre au fond d'elle, elle peut montrer qu'elle est. Non, honnêtement, moi je suis pas susceptible, sauf sur les vrais trucs. Si on remet en cause mon travail, des trucs comme ça, je vais mal le vivre. Mais là, on en prend tellement dans la gueule dans ce métier, etc., qu'on peut pas se vexer. Sinon, t'as pas d'humour, quoi. Ouais, c'est vrai. Les garçons, vous dans l'équipe, Amir, c'est quoi le truc le plus vexant qu'on t'ait dit, toi? Le truc le plus vexant qu'on ait dit, c'est par exemple. Bah c'est mes sourcils en fait. Ah ouais mais non mais arrête, bah arrête. Tu te prends pas mal. Et puis quand j'avais genre 11-10 ans, ouais. J'avais une voix qui était très très aiguë. Et du coup les gens disaient que bah, j'avais une voix de fille et que j'étais un trans. Ah oh. Ouais c'est dur ça. Ça c'est dur, hein. Pire que les sourcils, hein. C'est vrai que la voix, le trans et les sourcils, ça fait beaucoup pour un seul homme, quoi. Manu à l'aria, toi? Oh bah, je sais pas, je vais faire un petit récap de tout ce que je me suis pris dans la gueule depuis le début de saison. C'est, alors c'est vrai que Mano a de l'humour parce qu'on lui a mis tellement cher. Ouais, mais il sait qu'on l'aime au fond de lui. Je pensais qu'elle allait dire mais il sait que c'est faux, mais non. C'est encore pire. Il y a du monde là au 01 42 48 5000. Il y a Chris de Nantes qui est avec nous. Bonsoir Chris. Allô? Allô. Ça va Chris? Ça va et vous? Oui, très bien. Raconte-nous, toi, est-ce que tu as été vexé à Nantes dans ta vie? Alors, moi, une fois, on m'a dit que, en fait, je perdais mes cheveux et. Enfin, je perds mes cheveux, je commence à être dégarni et à 24 ans, c'est dur d'entendre ça, quoi. Ah ouais, c'est chaud, ça. À 24 ans, c'est chaud, ouais. C'est vrai que ça fait partie de l'une des plus grosses phobies des garçons que je connais, de tous mes potes, c'est de perdre, de devenir chauve, en fait. Bah, des filles aussi, hein. Ouais, mais non, c'est grave. Ça arrive moins souvent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, c'est ma phobie aussi. Bah, oui, mais bon. Mais Chris, du coup, pourquoi tu rases pas tout, toi? Ah, parce que je tiens trop à mes cheveux, ça me ferait chier de tout raser, quoi. Ouais, mais parfois, ça tu va. Sais, parfois, encore, c'est pire. Ça fait pas non plus chausser aux moines, mais. Ouais. Mais bon, je t'ai pas rendu à ce point-là, quoi. Je suis un peu de la vie d'Anso. Parfois, les espèces de trous, le côté dégarni, c'est pire que la boule à Z, quoi. Tout à fait. Donc à voir. Regarde Vacher de l'équipe de Bruno dans la radio le matin là. Il était bon il commençait à se dégarnir. Hop, il a rasé. Puis bon c'est moche. Ah c'est pour ça qu'il l'a fait. Non. Mais non, c'est pas moche évidemment. Ouais parce qu'il commençait à être dégarni. Ouais. Ah bon? Mais en vrai, il a hyper mal vécu. Hein. Ah je savais pas. Il a très très mal vécu le fait de perdre ses cheveux. Je l'ai jamais connu avec des cheveux moi, donc je savais pas. Eh ben je vais te montrer des photos. Tu vas prendre peur. Et pour ça lui va super bien. Bah oui. Parce qu'on le connaît comme ça forcément. Ah ouais, ça réveille. Et je suis désolée, mais quand on avait fait la boule à Z à Mano, je trouvais ça hyper sexy. Ouais. Non, moi aussi. C'était sexy uniquement quand il avait genre 2-3 mm. Ça faisait un peu bad boy. Bah ouais, c'était mieux. On aurait dit un ancien tolard. c'est pas mal là sinon. C'est un ancien tolard mais en costard quoi. Bon Chris, on t'embrasse. Ouais, bah bisous à vous. Allez, bisous à tes cheveux. Bisous à toi. Il y a Julie aussi qui nous a appelé à Bordeaux. Bonsoir Julie. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va Juju? Ouais, ça va et vous? Bah ouais, très bien. Est-ce qu'on t'a vexé toi aussi? Ouais, moi en fait une fois je suis allée manger au resto avec mon copain et en fait il m'a commandé une salade parce qu'il trouvait que j'avais trop pris du cul. Oh non. C'est chaud. Oh, c'est ouais, dur ça. Non mais là c'est ce qu'on appelle un goujat. Hein. Ouais et ça se fait pas. C'est le truc vraiment qui nous vexe ça et c'est universel. C'est toutes les nanas quand ton mec te dit t'as pris du poids non ça passe non, pas. Non mais il faut vous dire un truc. Vous savez pas faire les mecs quand vous voulez faire passer des messages. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, en même temps il y a pas de recette miracle hein, pour dire à sa copine qu'elle a pris du cul c'est quand même très compliqué. Oh ouais. Mais franchement. Mais Julie qu'est-ce que t'as fait? Moi je serais partie. Hein. Bah non, du coup j'ai mangé ma salade, mais bon, j'ai fait la gueule toute la soirée quoi. Bah oui, je m'étonne. La pauvre, c'est horrible. Pichard. Bon bah tu fais attention à ton cul. Ouais. On t'embrasse ma Julie. Ouais, gros bisous. Bisous. Bisous. Petit jeu entre nous, ça vous vexe ou pas? Je vous propose, vous me dites, ok? Allez. Allez. Ça vous vexe ou pas si on vous dit connard connasse? Non. Non, on a l'habitude. Non, ouais. Si on vous fait remarquer que vous êtes moche. Ah bah oui. Non, ouais. Moi ça me vexe pas. Ah bon? C'est trop subjectif. Bah tu peux me trouver moche et l'autre super beau, enfin. D'accord. Tant pis, ouais. Trouve-moi moche, c'est pas grave. Oui, on marque ça, tiens. Ouais, on s'en fout. Ouais. Si on vous offre un chewing-gum à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ouais. Ah, oui. Tiens, on connaît ce problème avec certaines personnes. Ça vous vexe ou pas si votre partenaire vous dit avec mon ex c'était mieux? Ah bah ouais, oui, ouais. Ça c'est le pire. Ça, ça devient mon ex, hein, ça y est. Ouais. Si on vous demande si vous êtes enceinte rapport à votre bide, ça c'est pour toi et moi, Anso. Ah ouais, non mais moi ça m'est déjà arrivé que dans le bus on me propose de. Non. Si. Ouais, mais il faut savoir qu'Anso elle faisait quoi, 20 kilos de plus à une époque? Ouais, 18 de plus. Ouais. T'as bien perdu, bravo, ouais. Franchement. Ouais, franchement, hey, et, regarde. Et du coup, ouais. Merci. T'es et super belle. Un jour dans le bus, il y a quelqu'un qui m'a dit non mais asseyez-vous. J'ai dit, je ne suis pas enceinte. Quelle horreur! C'était horrible. Moi, je pense que je m'assois, je fais genre. Ah non, mais moi, non. Et en plus, j'aurais dû faire ça parce que je me sentais tellement humiliée, tout le monde me regardait. Je te jure, j'avais les larmes aux yeux. Oh, bah, beurre. Mmh. Par contre, c'est vrai que je peux pas être enceinte, je suis con. Rapport à la porosité russe. Ça vous vexe ou pas si on compare votre coiffure à des dessous de bras? Non, mais bah non, moi, on les compare souvent, moi. Ah bon? Non, mais pas à des dessous de bras, mais à une serpillère, genre. Si on vous dit c'est pas drôle après avoir fait une vanne devant tout le monde. Non. On a l'habitude, ça aussi. Ouais. Hein. Bon. Si votre partenaire vous dit quand est-ce qu'on commence une fois terminé. Ouais, c'est quelle angoisse. Si on vous confond avec Zaz. Non, bah ouais. D'amour, de la joie. Ouais, y a moyen. Mais cela dit, elle est pas si moche. Hein. Non, c'est juste qu'elle fait un peu. Elle fait un peu. Attention, tu la vois la ligne jaune, attention. On est sur quelqu'un qui cultive un look négligé. C'est non, mais non, elle est tout le temps la pauvre. Elle a une image alors qu'elle est souvent en robe de soirée pendant les festivals de chez moi. Maintenant, oui, mais à une époque, non. Mais bon, bref, on l'adore. Vive les Sarouel. Ça vous vexe ou pas si on vous prend pour un veau alors qu'en fait, c'est juste vos sourcils qui sont gros? Il n'y a qu'une personne qui peut répondre à ça, Amir. Non, vous savez quoi? En vrai, mes sourcils, je sais qu'ils sont un petit peu gros. Mais aujourd'hui, je m'en fous, c'est un peu ma signature. Quoi. C'est-à-dire qu'on dit toujours, ah ouais, le mec avec des gros sourcils. Voilà. Non, mais ce qui est bien avec toi, c'est que par exemple, quand on est dans des endroits de foule, par exemple, on sait vite où tu es. Quoi. Ouais, excuse-moi, t'as cru qu'il y avait de la lumière sur mes sourcils? Ouais, il s'éclaire dans le noir. Ça serait pas cool. Il y a encore du monde au standard. Il y a Théo de Paris avec nous. Bonsoir Théo. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, tranquille, ça va. T'as passé un bouc. Dis-nous, Théo, la dernière fois que tu t'es vexé, toi, c'était quand? La dernière fois que je me suis vexé, c'est quand je suis sorti de chez le coiffeur. Donc, pour aller en cours et tout ça, je me sens frais et genre, j'arrive, on me fait, c'est à quoi cette coupe de merde? Ah, ouais, c'est chaud. Ça, c'est horrible quand tu sors tout juste du coiffeur, j'avoue, ça vexe. Et en plus, il y a un autre truc qui nous arrive souvent à nous, les filles, c'est quand tu sors de chez le coiffeur et que personne ne s'en rend compte. Grave. C'est quand même hyper relou. C'est vrai que tu viens de lâcher un chèque de je sais pas combien, tu viens de lâcher un bras et un rein et personne ne s'en rend compte, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'Anso, elle nous a déjà prévenu qu'elle allait chez le coiffeur lundi ou mardi, je sais plus. Ouais, c'est ça. Histoire qu'on sache et qu'on la félicite et exactement, tout ça. Exactement, j'y vais demain. D'accord. Et Théo, du coup, c'est quoi la coiffure? Bah, c'était un dégradé et après, il était un peu mal fait. Et tout le monde m'appelle maintenant dégradé fatigué. Dégradé fatigué? Ouais. Ah, c'est original. C'est pas mal. J'ai pas de démasse la vision du truc, mais. Bah, si, ça fait un peu chanson de Magic System, j'aime bien. Dégradé fatigué. J'aime bien. Théo, on t'embrasse, merci de nous avoir appelés. Salut, Philippe, bisous. Bisous à toi. Bisous. Il y a Clément aussi à Tours avec nous. Bonsoir, Clément. Salut, l'équipe. Ça va, le Clem? Ça va, ça va. Alors moi, ce qui m'a vexé énormément, c'est j'avais acheté un parfum qui m'avait coûté la blinde, mais vraiment la blinde. Et en fait, bah quand je l'ai mis, ma meuf, elle m'a dit qu'il puait. Ouais, ah, mais c'est tellement subjectif les parfums aussi. C'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que moi, parfois, je peux bloquer. Hein. Si mon mec, il a un parfum que j'aime pas, c'est pas possible. Je suis obligée de lui dire. C'est-à-dire que Marion, pour vous expliquer un peu, elle a souvent des gels hydroalcooliques pour se laver les mains là. Oui. Et elle en a acheté, mais c'est pas possible, cette odeur horrible. Il y a que toi qui bloque. Non, il y a un Enzo standard, t'en peux plus non plus de ton truc hydroalcoolique de coco. J'en peux plus de sa mère. Et attendez, mais ça sent hyper bon. Mais c'est une super marque, ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco. Ah non, ah, ça sent la fausse noix de coco quoi, en fait. C'est pas la noix de coco elle pue pas la merde. La violence. Mais ça va pas. Ouais, mon parfum par contre il sent super bon. Oui, mais ouais. Le truc c'est que on le sent pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est parce que on est tout le temps ensemble. Non. Donc du coup c'est comme moi, tu le sens plus. Le parfum de Damir, si on n'est pas dans son cou, on le sent pas quoi. Ah, et le parfum mien, de la sœur Damir aussi est bien. Pourquoi tu l'ouvres toi? Et le mien il est bien ou pas? Ouais, le tien il sent trop bon de peur. Bon bah Clément, c'est quoi ce parfum, tu veux pas nous dire? Si, c'est Only for the Brave de Diesel. D'accord. Ah, oui, pas. Ouais, le point noir. Ouais, il sent bon, sent bon celui-là. Bon, bah nous on valide, Clément. Donc si tu veux venir dans les studios sentir bon, c'est bien. Bah, j'aimerais sentir bon, pas de soucis. On t'embrasse, Clément. Bisous, Clément. Pas de soucis, bisous. Bonne journée. Pépère, au standard, est-ce que t'as déjà été vexé? On t'a dit un truc qui est pas passé quoi? Bah, moi on m'a dit t'es une petite bite. Ah oui, ça se fait pas, on est d'accord. Bah oui, bah non, surtout que c'était pas la mienne, c'était celle de mon neveu que j'avais dans la main. Oh, non. C'est pas possible. Ah, oui. Tu te rends compte de tes conneries, Pepper? Bah non, c'est pas une connerie. Et vous avez vu que Amir vient de renommer Pepper en Pepper? Oh ouais. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Vous gagnez encore vos Sony Xperia M5, ça c'est cool. Ils sont vraiment ouais. Et puis pour le son, c'est Tini Tampa qui sera d'ailleurs au Fun Radio Live. Ce sera jeudi prochain sur la plage Borély. En direct sur Fun Radio, Tini Tampa sur Fun Radio. Oh ouais. Said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah. Tell Russell I'm a rep. Yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with a man them in the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, of the year I'm fleeky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting booked before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like, he's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my rent. But it goes like, 8.9, I'm a 10. But it goes like, call to your Wi-Fi again. Tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre là sur Fun Radio, vous écoutez Marion et Anso, le Night Show. Alors oui, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, vous allez pouvoir voir toutes les conneries de l'émission, des conneries en dehors de l'émission aussi. Et puis on a une autre chaîne sur YouTube qui s'appelle Marion et Anso Gaming, dans laquelle on teste plein de jeux vidéo avec des stars, mais pas que. Oui, Avec des gamers et tout, quoi. Ouais, on a testé aussi un jeu qui s'appelle Silent Hills PT, qui n'est jamais sorti. Et qui ne sortira jamais, d'ailleurs. Et qui ne sortira jamais, d'ailleurs, mais qui fait surflipper. Et moi, j'ai adoré faire ça. Moi aussi, ça m'a vraiment fait kiffer. C'est un jeu, il vous met en tension. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est anxiogène à mort. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe. Allez voir la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout, proposez-nous des jeux, parce que c'est vous qui choisissez le jeu auquel on va jouer la prochaine fois pour la prochaine opération gaming. Amir, est-ce qu'on a eu de la propale? Oui, dans les commentaires, il y en a pas mal. Il y a eu deux Evil Within. Ok. Alors, c'est quoi ça? Bah, en gros, c'est sur Play 4, c'est un jeu qui fait flipper aussi. C'est que des jeux qui font flipper là. D'accord. Je vous dis. Ah ouais. Ok. Il y a eu The Last of the Remastered. Ouais. Okay. Resident Evil HD Remaster. Ok. Alien Isolation. Okay. Resident Evil Révélation 2. Bon, il y en a des anciens aussi. Hein. C'est Alien Isolation Trauma aussi qui revient beaucoup. Il y a beaucoup d'Alien. Il y a Dying Light. Ah, mais je crois que j'en ai entendu parler de ça. Outlast aussi, qui est sorti en février 2014, là, celui-ci. Mais les gens veulent que des trucs qui font peur, en fait. Ouais, bah ouais. C'est un truc de ouf. Resident hein. Evil 7. Ouais, mais... Alors lui, il sort par contre le 25 janvier 2017. Oula. Donc j'espère, on va essayer de faire en sorte d'avoir la version promo pour inviter les auditeurs et puis le faire avant tout le monde, quoi. Ah ouais, ah ouais, le tester genre en décembre. Ouais, en décembre, vous on aimerait bien faire. Resident Evil 7. Excusez-moi, vous faites un peu des plans sur la comète là. Est-ce qu'on sera là déjà en décembre prochain? Bah, non, est-ce que vraiment ils vont nous envoyer des jeux comme ça? Non, mais je sais pas, de toute façon, tout le monde aura oublié cette séquence. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du. Moi, je pense qu'en 2018, on pourra recevoir Obama aussi, je dis, parce qu'on bosse dessus et je pense qu'il y a moyen de faire un dos. À vous, tu serais sur le cul si on te ramenait Obama un jour dans l'émission. Ah ouais, je kifferais, mais alors je saurais absolument pas quoi lui dire, quoi. Je serais trop impressionnée. Bah non, on lui ferait faire comme les artistes, on lui ferait croquer dans du beurre. Ouais, faire le pourquoi tu m'appelles. Hey, hi, Barack. Peut-être qu'il a un truc à se faire pardonner aussi dans le je te demande pardon. Ah, pas mal. Ce soir, on a Cyril avec nous de Marseille. Bonsoir, Cyril. Bonsoir avec toute l'équipe de Fun Radio. Salut. Salut. Ça va Cyril? Ça va très très bien, merci. Bon, avant que tu nous expliques ton histoire et le pourquoi du comment tu veux t'excuser, on doit te dire que tu peux gagner ce soir ton Sony Xperia M5. Et ça, c'est du beau cadeau. Ouais. Ah, patate. C'est à l'occasion de la Soch Freestyle Cup qui commencera à partir de mardi jusqu'au 26 juin sur la plage Borély à Marseille avec Fun Radio. Mmh. Alors maintenant, dis-nous tout, qu'est-ce que tu as fait et à qui? Alors en fait c'est à Fabrice, c'est à mon cousin, voilà, donc quelqu'un membre de ma famille. J'avais vraiment vraiment besoin d'argent et je sais que il garde souvent de l'argent chez lui, voilà, des assez gros sous. Et je sais que de lui-même de l'argent il m'en prêtera pas, voilà, bon il a un peu des oursins dans les poches, hein, c'est dommage pour lui, ça reste quand même mon cousin. Mais voilà, donc j'ai fait la connerie que j'ai faite, ben je sais qu'il a une boîte pas loin de sa chambre, je lui ai dit que j'étais à l'aux toilettes et en fait ben voilà je lui ai piqué 400 € et il le sait pas et voilà là je compte la plus pour lui dire et ben, je sais que ça va péter parce que je sais que c'est un lion, hein, franchement c'est un lion. Hein. C'est vraiment un lion, donc je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais je vais dire la vérité. Cyril, ah. C'est concrètement du vol, c'est pas bien ça. Hein. Ouais, je sais que c'est du vol, mais voilà, j'étais vraiment embêté. Et de toute façon, je vais lui rendre, hein, c'est certain, je vais lui rendre, même si ça va prendre un peu du temps. Déjà, qui met autant d'argent dans une boîte pas fermée? Quel intérêt. Ouais, franchement. Il devait avoir une belle somme, ouais, mais j'ai pas vraiment compté, j'ai pioché ce qu'il y avait. Mais attends, mais Cyril, est-ce qu'il était pas plus simple d'aller voir Fabrice et de lui dire, excuse-moi, je suis un peu en galère de thunes, est-ce que tu peux pas me prêter 400 balles? Il veut pas. Ouais, c'est vrai, mais dans le feu de l'action, je savais que... Il allait me refuser, donc voilà, j'ai pris cette initiative de les prendre et j'aurais pas dû. Voilà. Bon, honnêtement, ça va être compliqué parce qu'à mon avis, il va t'en vouloir à mort de lui avoir fait ce coup-là. Ah oui, surtout, là, il va te parler. Ah, c'est la famille, quoi, tu vois. Donc, donne tout, excuse-toi vraiment sincèrement et nous, on est là avec Enzo si jamais ça se passe mal. Ah, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Allez. Et je me dis d'un côté, un Sony Xperia M5, ça doit valoir bien dans ces sommes-là. Ah bah oui. Donc, peut-être, on s'arrange, tu vois. On hop sous le manteau, on le revend. Voilà. Et hop, ni vu ni connu. Ah bah attends, on l'appelle pas. Tu vas pouvoir le rembourser et le mettre dans la boîte. Qu'est-ce que je suis drôle. Allô. Allô, je... Ça va Fabrice? Et toi, cousin, comment tu vas? Ouais, ça va, impeccable. Je m'appelle en privé là. Ouais, désolé, non, je sors du travail là. Je t'appelle avec le téléphone d'un ami, j'ai pas passé sur mon téléphone. Hein. Comment tu vas? Ouais, bon, pas trop, et toi? Moi, ça va tranquille. J'ai fini le travail, ma petite gage. Ouais, c'est impeccable. D'accord. Voilà. Ouais, écoute, Fabrice Lecouze, j'ai vraiment un truc à te dire. Ça me tient à cœur, ça me pèse lourd et faut que tu sois informé. Voilà, je peux pas te le cacher trop longtemps. Ouais, rien de grave, hein, rien de grave, mais... Ah, voilà, mais ça va alors. Il faut que je t'en parle, Fabrice, il faut que je t'en parle. Dis-moi tout. Tu as deux minutes? Ouais. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Ouais. Je suis posé à la maison, tranquille, là. Bon, voilà, Fabrice, écoute, tu te rappelles vendredi soir quand je suis passé à la maison, là, te voir? Oui. Voilà, écoute, j'ai pas osé te demander, mais voilà, je suis vraiment en galère d'argent. J'ai acheté une voiture, j'ai que des problèmes, elle roule plus. Mon collègue du travail, c'est... Je t'avais dit de pas acheter cette merde, Je sais, le coup, je sais, mais écoute, j'étais vraiment embêté, je sais plus quoi faire, et voilà, écoute, j'ai fait une petite bêtise. En haut de ton armoire dans ta chambre, j'ai trouvé une boîte avec plein de billets dedans, et j'ai pioché, et voilà, Fabrice, je t'ai volé 400 euros. Voilà, je te dis la vérité. Déconne pas. Voilà. Non, Fabrice, je te jure, je t'ai volé. Tu es en train de me parler sérieux, là? Fabrice, écoute, je savais vraiment pas comment faire. Attends, bouge pas, je suis à la maison, j'ai regardé de suite. Ça me plaît pas, ce genre de choses, là, attends, bouge pas. Juste en haut de ton armoire, là, en haut de ton armoire. Oui, mais je sais où je mets mes sous en liquide, quand même. Voilà, il y a une boîte dedans, et j'ai mis la main dedans, et je t'ai volé 400 euros, voilà. Oh putain, oh, là c'est quoi, là tu me mets la colère, je t'ai toujours assumé tout ça, là tu me fais des trucs, je travaille jour et nuit, même le petit à la fin du mois au Disney, là, qu'est-ce que tu m'as fait? Non, écoute Fabrice, je vais te les rendre, le coup, on est de la famille. Non, mais il n'y a pas question de les rendre, je m'en bats les couilles, moi tu sais que... À la fin du mois, dans deux semaines, je pars au dîner avec le petit. C'était des sous pour le petit. Écoute, moi, si tu ne les rends pas avant la fin du mois, tu vas faire la pute pour moi. Non, mais Fabrice, arrête. Là, je rigole pas avec ça. L'argent. Non, quand même. Je vais te les rendre, Fabrice. Non. Laisse-moi devant. Moi, je te mets une paire de talons, je te mets une mini-jupe, tu viens devant chez moi, tu fais la pute tous les soirs. Je te le dis. Et mini-jupe, arrête un peu, garde la pêche. Il n'y a pas de ça. La famille, on ne touche pas l'argent, la famille. Je vais te les rendre. Je t'ai dit, Fabrice. Tu me les aurais pas les couilles, tu vas faire la puce, hein. Attention. Tu sais comment je suis. Oula, allô. Tu as le biceps de mon bras. Fabrice. Allô. Oula là là. Tu as vu le biceps de mon bras. Il est chonchon. Je l'adore, ce mec. Fabrice. Qui c'est la meuf que tu me passes là? Fabrice, bonsoir. C'est Marion et Anso. Tu es en direct sur Fun Radio. Qu'est Fun Radio là? C'est quoi ça? Là, c'est bêtise là. Eh ben, il me manque 400 euros là. C'est la radio Dance Floor. Ouais, alors, Fabrice, ne t'énerve pas. En fait. Cyril est passé dans une séquence qui s'appelle le « Je te demande pardon ». Il avait besoin de te dire devant toute la France qu'il était extrêmement désolé et que non seulement il t'avait volé ses 400 euros, mais qu'il allait te les rendre aussi. Ah oui. Et il va me les rendre avant deux semaines, sinon c'est pas une radio qui me les rend. Hein. Attends, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais nous, on n'y est pour rien dans cette histoire, dis donc. Ah, mais je vais débarquer, là. Mais... Je vais débarquer chez toi maintenant. Non, il faut calmer. Hey, il s'est rendu compte. Non, je ne donne pas l'argent, on ne touche pas l'argent à la famille. Fabrice, c'est la famille, il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. La famille, c'est la famille. D'accord, mais... Nous, on est une famille, on ne touche pas l'argent de la famille. On demande, mais on ne touche pas. D'accord, Fabrice, m'engueule pas. Moi, tu sais, j'y suis pour rien. Moi, j'ai jamais volé personne. Mais qu'est-ce que c'est, ces conneries, là? Vous me faites passer à Fun Radio pour qu'il me demande pardon? Bah oui. Vous allez revenir à la maison me demander pardon, là? Fabrice, non. Visiblement, il avait peur de toi, puis il y a de quoi en même temps, vu comment tu réagis. Mais, tu vas mettre une mini-jupe, tu vas faire la pute. Il a vu le biceps que j'ai, moi. J'ai un biceps, il va comprendre, là. Bon, Fabrice. Tu vas venir travailler dès ce soir, hein? Et l'important, est, faut t'avouer, à moitié pardonner, ça c'est vrai. Non, moi, il n'y a pas de pardon. D'accord. Il n'y a aucun pardon. Voilà. Il n'y a pas de pardon, donc qu'est-ce qu'on fait? Je prends la voiture, j'arrive là. Arrête, Fabrice, calme-toi. Non, il va se défouler. Fabrice, on te propose quelque chose. Cyril a joué et en jeu, il peut gagner le Sony Xperia M5 qui vaut quand même très cher. Ah ouais, il vaut au moins ça. Il vaut au moins pas mal de sous. Ouais. Donc du coup, le Sony va me payer mes vacances à la fin du mois avec mon fils. Bah oui. Et je fais quoi? Au dîner, je leur donne un téléphone. Non, mais enfin, Fabrice, ne sois pas stupide, hein. Fabrice, détends-toi, il n'y a rien de grave, il va te rembourser, tout va s'arranger. Il n'y a plus de détente, là je finis, j'ai fini une journée de 14 heures de travail, il n'y a pas de détente. Est-ce qu'on peut quand même t'offrir à toi, du coup, le téléphone pour essayer de calmer un peu le jeu? Ah ben, pour lui, hein, pour moi, à la limite. Comme ça, je vendrai les deux et ça fera... Non, on en a qu'un, les gars, ça ne nous arrange pas, ça. Non, on a un pack fun, éventuellement, pour le deuxième. Ça sera tout, hein. Qui, éventuellement, te fera un sandwich quand tu pars en vacances. Allez, Fabrice, le téléphone, c'est gagné, déjà. Bravo. Ouais. T'as vu le petit abonné, moi. Et à côté de ça, il faut que tu te détendes là, que tu retrouves un peu ton calme, ça va bien se passer, il va te rembourser. Il a l'air bien, il est juste, il a déconné, il a eu un moment de faiblesse, ça arrive. Ok, Fabrice? Allez, ça va, ok, ben, je vais quand même lui rendre une petite visite comme ça. Bon, et tu sais quoi, Fabrice, calme-toi, nous on t'embrasse très très fort. Et toi, Cyril, j'ai un conseil à te donner, quitte ce putain de pays. Pars immédiatement. Ouais. Fuis, ouais, Cyril, je fuis. Je vais à la gare, là. Je vais à la SNCF, je vais à la gare. Là. Et surtout, gare. On t'envoie un pack fun. Il est dégoûté, là. Il est tout perdu. Cyril, on t'embrasse très très fort. Merci de nous avoir appelé et d'avoir joué avec nous. Bisous à toi. Bisous. Il est chaud quand même, le Fabrice. Hein. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va faire le vérité ou vérité. Oui. C'est ce moment. Alors, Marion voulait absolument le faire. J'ai l'impression qu'elle a des choses à nous raconter sur sa vie sexuelle. Hein. J'ai surtout des choses à vous demander. Cautionne. En tout cas, moi, je n'ai rien à cacher. Restez là. Hashtag le Night Show pour réagir à l'émission. Et nouvelle bombe Fun Radio maintenant qu'on adore. C'est Axel Ingrosso sur Fun. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late, think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you, think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move, should be thinking about a job, but I think feeling like a kid again, total lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss, feeling like a kid again, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss. Like a kid again, total lots of bliss. Axel Ingrosso, c'était Thinking About You sur Fun Radio, c'est juste vraiment une bombasse. Hein. Oh, burn. Mais je vous le dis, les garçons, je vous aime d'amour. Alors oui, ce n'est pas réciproque, mais non, je ne suis pas rancunière. Bon, je voulais vous parler d'une info que j'ai vue tout à l'heure qui m'a fait halluciner. C'est un entrepreneur genevois qui veut mettre ça en place en Suisse, donc du coup, hein, parce que Genève est en Suisse. Tout à fait. Il importe le concept de Thaïlande. Le concept, c'est simple, c'est un café accompagné d'une pratique sexuelle, laquelle d'après vous? C'est un préliminaire. Oui. Fellation. Oui, bah oui. C'est ça, un café, une pipe. Mais non. En gros, si. Donc, en gros, le concept existe depuis 20 ans en Thaïlande déjà. Et en Suisse, le concept, ce serait ouvrir un café qui serait ouvert de 6h à 20h, qui proposerait des boissons, des cafés, des pâtisseries, des sandwichs. Pas d'alcool en revanche. Ouais. Et donc le client viendrait, consommerait ce qu'il veut. Et puis s'il veut consommer une fellation, il y aura des nanas qui seront là pour lui. Mais non. Excuse-moi, c'est de la prostitution en fait. Ouais, c'est sauf ça. Que t'as un café en plus quoi. En 5 à 10 minutes, tout est plié, promet l'entrepreneur genevois. Donc comme ça, entre deux clients, entre un, je sais pas, un dîner et tout. Et ça coûte combien? Et ben ça coûterait. Alors attends, ils disent quoi? Mais c'est ils pas disent possible. Que ça coûterait 60 francs suisses. Donc je sais pas combien c'est 55 euros. Ouais, 50, bah, c'est l'occasion de tester un café crème, hein, voilà. Oh, ça va pas. Oh, mais il est grand. Oh, il a un humour fin. Oh, qu'est-ce qu'il est fin. Bon, bon justement. On va parler fion. Voilà, l'instant fion-fion du Night Show. Et ce soir, on avait envie de se faire un petit kiff. Surtout pour vous, parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions. Donc là, c'est le moment. C'est le vérité ou vérité. Je vous explique, vous pouvez vous lâcher, poser n'importe quelle question à n'importe quel membre de l'équipe. Même la plus trash. Il n'y a aucune règle. La seule, c'est que ça doit concerner notre vie sexuelle. Donc allez-y, on se lâche, on y va. 01 42 48 5000. On est aussi sur les réseaux sociaux. Oui. On veut de la question sympathique. Allez, est-ce qu'on serait pas en train de lancer l'instant sans pudeur? Vous me dites. Hein. Bah, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, je m'engage à répondre la vérité. Bon, 01 42 48 5000, il y a du monde au standard. Et Alissa est avec nous de Paris. Bonsoir, Alissa. Bonsoir, tout le monde. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, dis-nous, on t'écoute pour ta question. Ça concerne qui? Alors, ça concerne Anso. Ah, vas-y. Je voulais savoir, en fait, tout simplement, est-ce que tu as déjà fait un trio avec deux hommes? Ah non, j'ai jamais fait ça, Alissa. Alors, avec deux femmes, par contre, Anso, est-ce que tu l'as déjà fait? Bah, en même temps, je l'avais déjà dit. Oui, donc, oui ça m'est déjà arrivé de coucher avec un mec et une fille en même temps. Voilà, bon, bah, j'ai essayé et puis c'est un truc que je referais pas parce que ça m'a pas spécialement fait kiffer. Mais bon, voilà quoi. Bah, c'était pas horrible. Non, c'était pas horrible, c'était un bon moment, mais je sais que les filles c'est pas mon truc quoi. Et qu'est-ce que t'as pas aimé? T'occuper de la fille? Ouais, puis ça et puis que la fille s'occupe de toi, c'est bizarre quoi. Il y a un truc qui. Tu vois, c'est bizarre. Ouais. Voilà, c'est pas mon délire quoi. Bah, quand t'es pas du tout bisexuel, c'est compliqué de se laisser faire avec une fille quoi. Puis à un moment donné, Alissa, t'as déjà fait un truc à trois toi ou à plusieurs? Oui. Bon, et bah tu te rends bien compte qu'à un moment donné, quand t'es à trois, il y en a un qui reste sur la touche. Donc quand tu regardes les deux qui sont en train de faire l'amour, tu te dis ouais, tu t'occupes, tu te caresses, tu te roules des pelles, mais au bout d'un moment c'est un peu relou quoi, tu vois. Ça dépend comment tu peux te caler, hein. Oui, alors peut-être que je suis un peu moins cochonne que toi, Alissa. c'est peut-être aussi pour ça. Mais alors attends, c'est-à-dire qu'il y a des moments où t'étais limite bras croisés à les regarder, quoi. Non, tu les regardes pas, ouais, c'est un peu ça. Puis en plus, moi, j'ai un côté quand même. Je me cache pas sur le fait que j'aime le sexe, mais en plus, j'aime bien ce côté un peu exclusif. Donc quand le garçon s'occupe de l'autre fille, bah, ça avait tendance un peu à me gonfler, quoi, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut tout pour elle, celle-là. Non, mais je veux pas tout pour moi, mais je trouve que c'est un instant tellement fort en intimité que. Voilà, à trois. Essaye avec deux hommes, ça sera mieux. Bah, ouais. Et justement, trop de boulot, moi, Alissa, c'est pas possible. Bah, non, justement, parce que les deux hommes s'occuperont de toi. Ouais. Ouais, c'est pas bête. Donc, toi, t'as déjà essayé, Alissa? Oui. D'accord. Est-ce que tu as essayé avec 700 personnes éventuellement? Non, ça va aller. D'accord. Ouais. En tout cas, sache que si un jour elle le fait avec deux hommes, elle le racontera dans cette émission et on saura tout. D'accord. Je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci. Merci Marion de me demander mon avis. Alissa, on t'embrasse ma chérie. Pas de souci, j'avais une dernière question aussi pour Enzo. Ah bah vas-y. Je voulais savoir si c'était déjà fait tripoter par un homme. Non. Ah si. Elle est très dans le mélangisme. Ouais, c'est ça. Bah, comment, sexuellement parlant, non? Mais sinon, des accolades amicales, oui. Des accolades amicales. Oui, parce qu'il faut savoir que Enzo, au standard, c'est un mec, moi j'adore, hein, mais il est ultra collant, ultra câlin, ouais, il nous colle tout le temps. Il fait des bisous dans le cou. Ouais. Mais même Manu et Amir. Alors, dans l'équipe, enfin moi, tout le monde me dit bonjour en me faisant un petit bisou dans le cou. Ouais, c'est vrai, il est fier de lui. C'est angoissant, hein. Il y a des choses qu'il faut pas dire, Amir, par contre. Oui, dans le cou de sa sœur aussi. Je te jure, on va pas s'entendre. Alissa, on t'embrasse, ma belle, et on t'envoie un pack Fun Radio parce que j'ai envie. Ouais. Et que t'es une grosse cochonne. Pas de soucis, Enzo vient à la maison quand il veut. Ah bah vas-y. Bisous, Alissa. Gros bisous, ciao. Je vous explique ce qui est en train de se passer. Il y a toute l'équipe là qui est en train de me faire des doigts d'honneur parce que j'ai mis mon gel antibactérien pour les mains que vous détestez. Mais qui c'est sort la ça, tu dobes. Bon, bougez pas, dans quelques minutes, on revient sur Fun Radio pour ce vérité ou vérité qu'on adore. Continuez à nous poser toutes les questions, il n'y a pas de tabou, on répondra. Mano aussi peut répondre. Amir, ouais, moi, ouais, on est là. Bref, on revient sur Fun Radio dans un instant. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas, Sunlight Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas, Like Mike, mixé avec David Guetta, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling? La radio radio des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 32-28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Découvrez de nouvelles expériences sur funradio.fr. La page Night vous donne l'agenda de vos futures soirées en France, l'actualité de vos DJ et les photos de toutes vos soirées avec vos potes. Rendez-vous sur funradio.fr et accédez également à un maximum de contenu dans les trois autres univers dédiés. Gaming, fitness et buzz. Démarrez maintenant votre expérience sur funradio.fr. Come on ! Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Les sons dance floor. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Bon dimanche soir tout le monde et bon courage. Je sais qu'il y a encore des examens la semaine qui arrive. Ouais. Ça va le faire, c'est bientôt la fin. On voit le bout quoi. Ouais, ouais. On le sent le mois de juillet, on le sent la vacance qui pointe le bout de son œil. Et profitez-en là pour vous détendre avec nous. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire en fait. Excuse-moi, ça a mis du temps à monter. Mais non, ça veut rien dire. Absolument. On se détend ensemble, on se fait un vérité spécial sexe dans l'équipe. C'est-à-dire que vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il y a pas de souci, on est là. Et moi j'en ai pour vous l'équipe. Ah, ok. Ah. J'en ai préparé. Vous en avez préparé vous aussi ou pas? Non. Voilà, ça bosse dur en tout cas hein, de votre côté. Hein. Moi, je peux en trouver facile. Hein. Anso, j'ai une question pour toi. Alors vas-y. Est-ce que tu t'es déjà touché en pensant à un ex? Vérité. Ah oui. Ah bon? Ah ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Pourquoi vous m'avez lequel? Comme ça ah, la première lettre. Non, peu importe. Non. On va pas. D'accord. Ça ne sert à rien de mettre cette personne en avant. D'accord. Mais oui, ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a eu des bons moments forcément. Donc quoi, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ok. Ça t'est jamais arrivé toi? Bah non, j'ai pas le souvenir. Non, moi les ex après j'ai tendance à être dégoûtée plus qu'autre chose quoi. Ouais, c'est vrai. Amir, oui. Allez pour toi celle-là. Ok. Est-ce que tu as déjà fait l'amour pendant moins de 20 secondes? Ouais. Ah, mais bon, c'était au début, non? Ouais. Ah, genre tout... 10 secondes et bim. Même pas 10 secondes, ça a fait 2 secondes. Sérieux? Attends, c'était ouais. Quoi, ta première fois? Non, c'était ma première fois. C'était avec une fille avec qui j'étais. Et je devais être stressé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis à peine le train est entré en gare que l'alarme a sonné. Ah, c'est dur. Jolie métaphore. Hein. Non, en même temps, ça arrive à tout le monde. Et puis ouais, 2 secondes, mais 1 seconde et demie même. C'était horrible. Toi aussi, Manon, c'était arrivé? Ouais, enfin, c'est peut-être pas 2 secondes, mais effectivement, entre 20 et 30 secondes, ah, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, c'était genre pouf. Oh, le bruitage. Ouais. Ok, Manon, elle est pour toi celle-là. Est-ce que tu as déjà fait l'amour par téléphone? Non, jamais. Oh, mais non, mais c'est pas de ma faute, mais moi ça me fait rien. Enfin, je pense que ça me fait rien. Mais pourquoi t'es en plus toi tu vis hyper loin de ta copine. Et pourquoi vous essayez pas? C'est génial à faire pourtant. Ah, je sais pas, moi ça me bloque tout ce qui est technologie. Moi ça me fait rire. Et même par message à la limite. Alors par texto, bah oui. Quoi. Oui, tu peux te chauffer par texto, mais tout ce qui est téléphone, même Skype et tout, c'est pas mon délire. Ouais. Ok, Enzo, une pour toi. Ouais. Est-ce que tu as déjà fantasmé sur une personne de l'équipe? Dis la vérité. Non. Bah, c'est vexant. Je te le dis. Voilà. T'aurais pu dire oui pour faire plaisir. Tu nous as coupé la chic. Bah oui, alors. Bah merci. Et alors, mais donc, qui? Sur qui? Mario Enzo dans mon lit. D'accord. En plus, c'est bien parce que ça nous excite vachement, nous deux. Bon, j'en ai d'autres, je vous les ferai après. D'accord, ça marche. Il y a Elio de Lyon qui nous a appelé là. Bonsoir, Elio. Salut Mario, salut Enzo, salut toute l'équipe, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Oui. T'as quel âge? Tranquille, j'ai 11 ans, je suis de Paris. 11 ans et t'as déjà des questions sexuelles à nous poser, toi? Ouais. Eh ben dis donc, ça promet. On t'écoute. Alors, je voulais d'abord poser une question à Marion. D'accord. Alors, est-ce qu'elle a déjà fait un lingus anal ou un truc comme ça? Un lingus anal. Ça va. Un lingus. Écoute, je dirais non, mais un petit coup de langue, oui. Mais pas du coup le truc travailler anulingus et tout, non, jamais, je me suis jamais lancée là-dedans. Par contre, dans l'action, fellation, petit coup de langue à droite, à gauche, derrière, oui, ça j'ai déjà fait, de manière subtile, okay. Mais jamais la totale, quoi. Désolée de te décevoir. Ça me dégoûte. Et Elio, tu serais pas un petit pervers à 12 ans, là? Bah non, mais en fait, parce que je vous écoute, j'écoute Love in Fun et je vous écoute jusqu'à minuit, donc... Ah, il a l'habitude. Ouais. T'avais une autre question? Oui, j'en avais une pour Amir. Ouais. Je voulais savoir s'il aimait jouir dans les seins de sa meuf. Il est trash. Elio, je te kiffe. Si j'aimais jouir dans les seins de ma meuf... Karel de Love in Fun. Pourquoi? Il adore ça? Ouais. Ah d'accord, ah. Eh ben, on l'embrasse bien fort. J'ai jamais fait. T'as jamais joué? Ah ouais? Non, mais t'as jamais joué sur les seins d'une meuf? Non. Non, non, non. Non, mais il a la jouissance contrôlée, Amir. Ça ne va pas n'importe où. Non, j'ai jamais fait, c'est vrai. Bon, bah voilà, Elio. Il a déçu tout le monde, t'as vu ou pas? Ouais, c'est clair. Je suis désolé. Mais est-ce que t'as déjà joui dans tes sourcils? Non. Oui. Bah non, c'est pas possible. Bon, alors je suis dans une position vraiment chelou. Si, une petite giclée là. Non. C'est pas drôle, hein. On rigole pas là. Hein. Oh là là. Bon, Elio, on t'embrasse, mon chat. Et mais toi, t'as rien fait de tout ça là, sexuellement, t'es encore tout vierge de tout ça? Bah non, bien sûr. C'est bien. Non, c'est bien. Tu fais attention et tu te protèges surtout pour la première fois. Hein. Ça marche, merci. Bon, on t'embrasse, bisous à toi. Il y a Fab de Tours qui est avec nous. Bonsoir, Fab. Salut Marion, salut Enzo. Ça va, Fab? Ça va nickel et toi? Bah ouais, très bien, on t'écoute pour ta question. Alors moi c'est une question pour Mano. Je voulais savoir si t'avais déjà... Enfin si t'aimais les gorges profondes. Non, c'est pas trop mon délire, je trouve ça un peu dégradant pour... Mais c'est ouf comme dans cette équipe, c'est nous qui sommes le plus libérés et les garçons de cette équipe, ils ne font rien quoi. C'est vrai ça les gars. Hein. C'est un truc de malade, c'est vous dingue. N'aimez rien. Non, moi je kiffe étouffer ma meuf. Hein. Merci Enzo. Et après elle pleure et tout. Non, c'est pas mon délire. Parce que Manon, il a jamais fait l'amour par téléphone, il a jamais fait de sodomie, il a jamais fait de gorge profonde. Eh, faut y aller quand même hein. Ouais, mais c'est pas faut mon tester. Délire. J'aime bien le faire en mode van genre. Ouais. En le mimant quoi. Mais pas le faire subir à quelqu'un. D'accord. Je l'ai dit, il y a rien de kiffant moi je trouve là-dedans. Ouais. Moi voilà, c'est excitant 2 secondes, après c'est pas du tout un truc que je fais régulièrement. Pas la bon, Fab. Après si tu veux tuer ta meuf. Oui, voilà. Ouais, mais j'ai pas envie du coup. Non, mais surtout, faut arrêter de vous croire dans des films de cul. Hein. Dans la vraie vie, les gens font rarement ça, quoi. Ouais. Anso, elle rigole parce qu'elle, elle est pas du tout dans la vraie vie et qu'elle, elle fait ça à chaque fois. Mais non, mais si, arrête. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Arrête, ouais. Quand j'ai dit, moi, je le fais rarement, t'as levé les yeux au ciel, genre, t'es chiante. Je t'ai vu. Hein. Bon, Fab, est-ce que t'avais une autre question? Non. Eh ben écoute, merci en tout cas de l'avoir posé. Nous en savons plus sur Mano. On t'embrasse, Fab. Bisous, les filles. Bisous. Anso, est-ce que tu as déjà simulé un orgasme, bah coquine? Oui, bien sûr. Ah ouais, plusieurs fois? Ouais, bien sûr, plusieurs fois, ouais. Ok. Ouais, oui, Enzo, vrai. Au standard. Ouais, simulé? Non. Est-ce que tu as déjà essayé de photocopier ton cul? Ouais, alors on peut dévier cela, ouais, mais. J'ai déjà fait, ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai déjà fait, ouais, quand j'étais en stage de 3ème. J'aimerais bien faire ça, moi, je crois. Bah, tu peux, hein, tu sais, on peut le faire là-bas. Marion, hein, s'il y a que ça. Tu sais, il y a personne à la radio, là, on peut y aller. Hein. Amir. Ouais. Est-ce que tu as déjà mélangé le sexe et la nourriture? Le sexe et la nourriture? Ouais, je crois que de la chantilly, j'ai déjà fait, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. On vous l'a dit, hein, c'est pas terrible la chantilly. Alors qu'un bon bœuf bourguignon. Ouais, mais c'était marrant, mais c'était pas au trip. Ça avait pas fait kiffer. Hein. C'était marrant à faire. Anso, ouais. Est-ce que tu t'es déjà servi d'autre chose qu'un sextoy pour te masturber? Oh oui. La vérité, hein. Non. Une bonne bavette. Bah, le fameux bœuf bourguignon dont je m'attends. Non, jamais rien d'autre. Non, jamais rien d'autre, non. T'es sûr? Non, non, je tombais sur un mec qui avait très très envie de me faire l'amour avec un concombre, mais je l'ai jamais rencontré. Oui, c'est vrai. Donc, ça s'est jamais fait. Enzo, au standard. Ouais. Est-ce que tu as déjà demandé à des auditeurs de répondre j'écoute le night show lorsqu'on les appelle pour un sondage? Oui, je l'ai déjà dit. Ouais. Merde, tu l'as dit, ouais. Scandale. Oh là là, polémique. Ok, demain on est sur une conférence de presse. Et tutti quanti, scandale. Il y a encore une question avec Thibaut de Paris. Bonsoir Thibaut. Salut les filles, salut Mario Manto. Ça va Thibaut? Ça va et vous? Ouais, très bien, dis-nous. Moi j'ai une question pour Marion. Ok, je t'écoute. Je veux savoir, c'est quoi la taille de la plus grosse bite que tu t'es prise en fait? Alors, en plus moi je trouve que c'est demandé élégamment, ouais. Alors, laisse-moi réfléchir. Moi, je suis pas gourmande comme Anso. J'ai jamais connu des bras d'enfant comme ça. C'est pas de ma faute. Je dirais 20 cm. Et c'était déjà vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien 17-18, c'est déjà large. Et même si c'est moins, moi, honnêtement, je m'en fous. 20 cm, c'est... Pff, ouais. Il y a 3 cm qui servent à rien. Quoi. Ouais, ouais non, ça. Faut pas s'inquiéter. En tout cas, avec moi, et je pense qu'il y a plein de nanas dans le même cas, on n'est pas du tout sur un délire de grosse bite, quoi. Après, ça, on sombre vite dans les centimètres de trop qui finissent par faire mal, en fait. Mais c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, vaut mieux une petite qui se manipule correctement qu'une grosse qu'on a du mal à soulever. Hein. Bah non, parce qu'il faut penser au taf que c'est pour nous aussi, quoi. La mâchoire, tout ça. Ah là là, Marion, cette philosophe. Voilà, pour te répondre, 20 cm max, de mon côté. Par contre, okay, est-ce que tu veux la taille d'Anso ou pas? Allez, tant qu'à faire, allons-y. C'est quoi, c'est 24 toi, non? 23. 23 quand ouais. Même, hein, putain. 23, j'embrasse la personne. Ah, elle est gourmande, hein. Ouais, ouais, elle est gourmande. Non, mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis tombée sur ce garçon voilà, qui, au demeurant, s'en sert très très bien en plus. Parce oui. Que du coup. Il a l'habitude. Si vous avez des gros sexes, les garçons, il faut quand même préparer la fille. Et ça, c'était très bien. Grave. Ce point. Thibaut, on t'embrasse. Bon bisous à vous. Bisous, le Thibaut. On t'embrasse, Thibaut. Merci de nous avoir appelés. Il y a Paul aussi de Tarbes avec nous. Bonsoir à toi, Polo. Bonsoir. Ça va, Paul? Ça va. On t'écoute pour ta question. Bon, j'ai une question. Est-ce que tu t'es déjà fait lécher les pieds? Attends, qui? Tu veux la poser à qui? Eh bien, je sais pas, toi. Bah, vas-y, Marion, vas-y, Marion. Ok, vas-y, c'est quoi? Est-ce que je me suis déjà fait lécher les pieds? Ouais, pour enfin, si ça t'excite ou... Tu me fais peur, Paul. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui tuent des enfants? D'accord, Paul. Alors, je suis tombée sur quelqu'un que je ne citerai pas, qui avait un petit délire avec les pieds. Voilà. Ouais. Qui aimait bien les masser, les toucher, mais ouais, pas les lécher. C'était pas MM les initiales? Non, non, non, rien du tout. Ouais. Mais il les a jamais léchés, ta gueule. Mais effectivement, il avait ce kiff-là et je pense qu'il attendait que ça, quoi. Que je les mette dans sa bouche, mais c'est pas mon délire, j'aime pas, donc non. Pourquoi, Paul? Okay. C'est un truc qui t'excite, toi, Paul? Ah non, pas du tout. D'accord, bon. Non, ouais. Mais c'était juste une question comme ça. Ouais, curiosité, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Polo. Bah écoute, Polo, merci, on t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Eh ben, de rien. Ok, bisous. Bon, dans un instant, sur Fun Radio, ne bougez pas, puisque c'est Party Fun Deep qui va débarquer. Moi, à chaque fois, je trouve que cette émission, elle donne envie de faire des câlins. Ah, c'est vrai. Du massage, de l'huile de massage, de l'huile essentielle et bien sûr, une petite pointe d'huile d'olive. Oh ouais. Miko, c'est avec Party Fun Deep qui débarque. Et puis nous, on se retrouvera en direct demain à partir de 22h sur Fun Radio. Grave, avec plein de surprises, plein de kiff. Bon courage pour les examens, là, on pense à vous, on est avec vous. Et on veut tout savoir, dites-nous comment ça s'est passé. Exactement, n'hésitez pas à nous appeler. Bruno dans la radio sera de retour demain en direct à partir de 6h. Et puis bah, nous, on va se quitter en chanson, Marion. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Miko C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Vous le savez, c'est le rencard idéal pour bien terminer la semaine. Tous les dimanches soirs, minuit, 1h, on termine la semaine ensemble avec 1h de son deep house, histoire de bien se remettre en forme pour bien redémarrer la semaine. Bon courage à vous s'il y a des examens qui arrivent. Nous, on est parti jusqu'à 1h du matin sur Fun Radio avec tous vos sons préférés dans Party Fun Deep. Vous allez les choisir avec moi, évidemment, avec le hashtag Party Fun Deep. Nouveau Lost Frequencies dans l'émission. Il y a plein de belles choses et plein de grosses nouveautés encore ce soir. Il y a le son de Meiko, le nouveau Julian Peretta avec I Cry. Le son le usual avec les Where We Belong. Et voici Arnold Palmer et Verdelila pour démarrer Party Fun Deep. Welcome on board. Fun Radio. C'est Party Fun Deep. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty as you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. You're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me? What you do to me? terminer le week-end, c'est parti fun. Deep. Sur Fun Radio. Trying hard to make you see. All that you are is all that I need. I know that it's a secret. Water, I couldn't make Here this way, I just need you to stay.

La peau.